Bouge pas. Oh merde. Ah, on est content. Eh si, on est content, bonne année. Oh. Attendez, attendez, le petit va nous ouvrir une petite berce. Je vous souhaite maintenant. Bon, écoutez, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bonne année, tous les mercredis dès 20h, d'étranges individus se rassemblent dans un lieu tenu secret à Bruxelles. Cet endroit, ils l'ont appelé La Trappe. Ils pensaient faire leur réunion hebdomadaire seuls. Mais ils étaient loin de se douter d'être dans un mode ultra connecté. Les oreilles de tout Bruxelles, ayant perdu toute discrétion, autant mettre les micros et faire de la radio. Oh, qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce que vous faites? On fait un feu d'artifice, tiens. Avec vos petits pétards, là. Bah quoi, faut un début à tout, hein. 20h-22h. La Trappe, avec Jadoul et toute son équipe. Happy New Year! Quelle grande émission qui nous attend encore aujourd'hui. On va faire un truc de fou, c'est-à-dire une émission avant le nouvel an. Donc on va être foufou, ça va être encore incroyable. Ah oui! Génial! Oh, je suis impatient, on prépare le nouvel an et on vous a évidemment pour ça préparé plein de conneries. C'est-à-dire que là, ça déborde de l'émission. Vous connaissez maintenant la boutique, hein. On s'arrêtera bah oui, pas. Bien sûr, bah bien on s'arrêtera sûr. Pas à l'heure prévue. Hein. Déjà qu'on commence en retard, on va pas finir à l'heure. Je vous propose de faire un petit tour de table d'abord pour vous dire bonjour, bonsoir, vous accueillir et surtout pour que les auditeurs puissent aussi se dire qui est dans la trappe ce soir. Qui sont ces fous? Qui sont ces malades mentaux qui sont sacrifiés ce mercredi soir pour venir nous divertir? Eh bien, je vais vous dire, ce sont des gens qui ont le cœur généreux, car ils sont là gratuitement. C'est vrai. Salut Kix. Hello, comment va? Bon, moi ça va. Un peu fatigué de ces fêtes, l'air de rien. C'est vrai. C'est vrai que c'était assez court. Hein. Là, on s'en remet tout doucement, mais. Bah, ça fatigue, on les a enchaînés là. Hein. Oui. Mais c'est pas fini. C'est les week-ends. Normalement, ce qui est bien durant l'année traditionnelle, hein, c'est de pouvoir faire les fêtes et de s'en remettre le week-end qui suit. Voilà, sauf que ça. Là, Noël et Nouvel An, c'est des week-ends. Et c'est que le début. C'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, on va quand même être là en très très bonne compagnie puisque je dis bonsoir à l'ordinateur qui est à notre présente. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, je suis contente d'être là. Voilà. Moi, je suis pas très en forme parce que Noël, moi, ça a fini hier. Hier, on a encore fêté Noël. Voilà. Mais c'est pas vrai. Mais si, on est le 28. Mais oui, mais écoute. Prolongation. Et alors, vendredi, on va commencer à fêter le Nouvel An parce qu'il y a le pré-Nouvel An. Donc en fait, c'est mon seul jour de repos et je suis avec vous. C'est mon jour de repos. Ça veut dire que c'est des festivités, mais malgré que ce soit des festivités, elle, pour elle, c'est du taf. Hein. Et ouais, oh, c'est la gueule de bois. Hein. Bon, On s'implique ou on s'implique pas? Ah, ça. J'adore. Ah, ben, tu sais quoi? C'est comme ça que je vous aime. C'est comme ça, dans la trappe. Tous les mercredis, on vous fait respirer un peu de votre quotidien. La semaine était peut-être compliquée. Vous faites partie des courageux qui bossaient durant votre semaine, peut-être de congé normalement, bah là vous vous prenez sur vous et vous êtes en train de travailler, bah courage. Bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi à la maison tranquillement. Vous avez bien fait de choisir la radio parce que j'ai lu, c'est un vrai truc, que la télé, même éteinte, est l'objet électroménager qui consomme le plus dans la maison. Bah oui, ça m'étonne pas. L'air de rien, bah on se rend pas compte. Hein, et parfois c'est même laissé en route comme ça, personne ne regarde, mais c'est juste là en bruit de fond. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont besoin de bruit de fond pour travailler. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi j'aime bien. Oui, j'ai une copine, elle laisse la télé allumée pour le chien quand elle est pas là, et elle a un perroquet en haut, elle laisse la radio pour le perroquet. C'est-à-dire que quand tu rentres dans sa maison, tout est allumé pour les animaux. On organise un dîner, est-ce qu'elle serait disponible pour. Référence au dîner de con. Hein. La facture que ça doit coûter. Non, mais c'est fou. Laisser la télé allumée pour son chien, je pense que Greta Thunberg vient de se retourner là. Mais il sait comme ça, ils sont une présence. Ben, on dit ça, mais ma mère laisse la radio pour les chiens, pour pas qu'ils aboient. Hein. Ah. Ça leur fait un petit peu de compagnie. Je peux pas avoir une équipe qui est issue d'une famille normale. T'aimes pas les animaux, donc qu'est-ce que tu peux pas être objectif. Oui, c'est vrai, j'ai pas d'animal de compagnie. Et toi aussi, on te met de la radio là, regarde, t'as la musique. Bah ouais, voilà. Ouais. Tu t'ennuies, on te met ça et puis c'est bien, tu t'amuses. C'est vrai que moi, je savais pas quoi faire dans ma vie, ils m'ont mis un micro et puis ça fait des années que ça dure et puis au final, c'est pas plus mal. J'ai plein de choses pour vous dans cette émission. Déjà, on va avoir une nouvelle séquence qui remplace le marché de Noël car il est terminé, ils ont démonté les chalets là. Bon. C'était cool. Ouais, mais bon. Heureusement qu'il y a les podcasts pour se faire tout ça. Disponible partout. Vous tapez La Trappe avec Jadoul sur Google et vous retrouvez les meilleurs moments de l'émission comme les replays intégrales. J'ai pour vous le cabaret de La Trappe. Ah, ça va être quoi ça encore? Bon, alors j'explique. Est-ce que vous connaissez Michou, le célèbre Michou? Oui, bien sûr. Enfin, ça dépend duquel tu parles. Non, celui qui tenait un cabaret à Paris. Ok. Pas le youtubeur. Voilà, pas le youtubeur, ok. Voilà, c'est ça. On avec parle ses grandes de... lunettes. Eh ben, nous, on a son frère ou son cousin, je sais pas trop, c'est Mifroid. Ah oui, ça recherche. Avec ça, ça donne un peu le ton. Vous allez avoir des prestations incroyables. C'est-à-dire que le grand cabaret de Patrick Sébastien à côté de ça, c'est la piste de chat. Vous allez voir, ça va être incroyable, ça va être fou. En parlant de Patrick Sébastien, ce sera notre invité dans le FaceTime. Mais non. Eh ben si. Oh, bah, c'est bon. Oh, vendu, vous êtes engagé. Félicitations. Merci. On se serre la main. On aura Fabrice Eboué qui sera là dans le FaceTime. Et bref, plein de belles choses arrivent dans cette émission. Non. Assez parlé. Fabrice Eboué, il est pas dans le FaceTime. C'est Patrick Sébastien. J'ai mélangé mes pinceaux. Ouais, t'as, oui. Non, j'ai dit interview combiné. D'accord, non. Non. On ne contredit pas le patron. C'est vrai, je ne dis pas rien. Oh là, attention. Surtout pas durant les fêtes. Vous savez, hein, une nouvelle année, c'est un nouveau départ pour beaucoup de choses. Les ressources humaines n'ont qu'à bien se tenir. Vous connaissez l'émission 4 mariages pour une lune de miel? Oui. Oui. Bon. Il y a des déclarations, toujours des moments émouvants, des choses incroyables. Bon, bah, je vous propose de revenir sur celle-ci. Aujourd'hui, on se dit oui pour la vie. Merci de m'avoir donné ton corps, ton cœur. Sympa. Ça, c'est le genre de lapsus qui peut te foutre en l'air un mariage. Bah, ça détend, tout le monde rigole. Merci de m'avoir donné ton cœur ce soir. Ton corps, baby. Vous savez quoi? On va essayer de ne pas lapsucer ce soir. Et ouais. Il a regardé Kix. Oui. Quoi? Oui, c'était très gênant d'ailleurs. Non, enfin, plus jamais. Ah non, je te jure, tu l'as fixé quand t'as dit ça. On va l'absucer. Non. Pardon. Vous avez un esprit. Là. Un esprit mal tourné ce soir. Oh. Mais en attendant, il était tourné vers moi. Alors quoi? Kix, t'as bien fait de l'ouvrir. Fais pas le malin. Il y a ton fan club là. Tu le vois par la fenêtre? Ah oui. Oui, bon, attends. C'est quoi? On va tendre le micro, voir ce qu'ils disent de toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ordure? Quoi? Non mais attendez, arrêtez, vous pouvez pas dire ça. C'est sûr, à moi qu'on parlait là? Oui, j'ai l'impression. Bon bah écoute, je vais fermer la fenêtre. Hein. Oh là, oui. À double tour même. Je vous propose aussi de rester parce qu'on va faire une petite séquence un peu nostalgique. On va revenir sur être un vrai DJ dans les années 80. Oh. Ah ouais, ça promet. On va se plonger dans l'ambiance que c'était parce que si aujourd'hui je vous dis DJ, ça te fait penser à quoi un DJ Maëva en 2022? Bah, les platines, genre David Guetta, tout ça, voilà. Quoi. Un disque jockey. Un disque jockey, c'était autre chose il y a quelques années. Hein. On va remonter il y a 40 ans, franchement, ça va être incroyable. Pour ça, une seule solution, faut rester branché. 20h, 22h, c'est La Trappe sur KIF. Effectivement, avec. Hey. Aurel San et Angèle maintenant. Drake arrive juste après. Vous le sentez, le réveillon qui arrive? Oui, je le sens bien. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Alors justement, à cette occasion, on va faire quelques vérifications. Avez-vous la nourriture? Oui. Oui. Les invités? Plus ou moins, oui. Oui. Les activités? Presque aussi, ouais. Ouais, quasiment. Des petits jeux de société sympathiques. La musique? Ah bah bien sûr. Ouais, bah moi-même quoi. Ah ouais, ouais, Spotify quoi. Bah voilà. Ouais, c'est simple. Ou alors une application. Ou alors un DJ. Oui. Un DJ c'est bien aussi. Hein. Bon alors les DJ ils ont plus trop la cote hein, sur les événements de nos jours. Le mot DJ a bien évolué en 40 ans si vous voyez ce que je veux dire. Là on va se replonger 40 ans en arrière dans une archive, un reportage. Être DJ dans les années 80. Alors si on recontextualise un petit peu, quelle est la signification du mot DJ? Disc jockey. Eh ouais, nom commun, musique, disque jockey, personne qui fait tourner les platines pendant les soirées et qui met de l'ambiance en musique, selon Wikipédia. Et le Larousse. Donc, on va suivre Max, Max 1982. Il prépare l'animation de la soirée avec son matos. Ça c'est branché. Maintenant on va s'installer la barrière antifan. Parce que sinon c'est l'invasion derrière les platines. On n'en peut plus. On n'en peut plus, l'invasion. Oh là, attention, alors parlons playlist. Par exemple, disons que j'ai un petit truc que je préfère toujours un petit peu mes repères. Depuis qu'on a les compiles de dance, je démarre les débuts de soirée sur ce qui vient de sortir. Parce que ici le problème qu'il y a en province, c'est que par exemple on prend le Dance Machine 5, c'est un disque qui va marcher dans 6 mois. Il faut que les gens l'aient entendu 200 fois à la radio avant de la poissier parce que t'as rien à faire sinon. Le Dance Machine numéro 5, évidemment. Et c'est fou quand même, le vocabulaire qu'il y avait autour de ça, ouais. J'avais complètement oublié tous ces ouais, trucs. C'est un univers. Hein. Toi, ça te parle un peu les DJ, Maëva ? Mais mon père est DJ. Mais non ! Oh, mais si ! Mais non ! Si ! Voilà. On va l'inviter ici, votre ami. Attends, est-ce qu'il est au level de... Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Est-ce qu'il est plutôt comme ça ? Est-ce qu'il est... On y va ! C'est parti ! Ouais ! Et franchement, il y en a qui animent vraiment comme ça. C'est parti, hein. C'est parti, hein. C'est parti. Oui, il s'appelle Jadoul. Non, mais moi, c'est vraiment juste pour la vanne et la parodie. Mais toi, ton père, il est vraiment DJ. Oui, non, il fait ça. Ben, c'est pas son activité principale, mais il fait ça. Mais si, et en vrai, il est pas. On peut vérifier, il a un Instagram ou quoi ? Oui, c'est FLP. Donc, attends, DJ FLP, mais si tu mets E-F-E-L-P-E, tu le trouves sur FLP. Facebook. Ouais. En fait, c'est parce que c'est ses initiales, mais on a mis les E. Enfin, c'est pas ça. Le logo est joli. Tu comprendras. Comme on n'a rien compris. C'est un beau logo. Non, mais E-F-E-L-P-E. Ok. Eh ben, on embrasse Flip. FLP, mais c'est facile. Oui, il ne faut pas le lire en entier. C'est comme cahier. Il ne faut pas dire kiff. Voilà, c'est. Bon, ok, FLP. Très bien. On a noté. Donc, vous avez compris, on revient en reportage. On a le matos, on a les morceaux qu'il va passer, que la soirée démarre. Attention, les petits loups, ça commence. Hey. DJ FLP pour vous ce soir. On va s'entourer jusque là. Écoutez son animation, c'est incroyable. Boussamanman et Moulkawa. Allez, c'est parti pour l'ambiance. Non mais pour ceux qui ont connu cette époque, les DJ parler dans les micros. Mais c'est ce que j'allais dire, je déteste les DJ qui parlent tout du long, c'est horrible. Ah oui, mais ça, c'était le problème. Ça veut dire que si toi tu bougeais pas, tu pouvais te faire viser par le DJ parce qu'il avait cette espèce de pouvoir d'avoir le bâton de la parole et foutre dans la gueule à ceux qui bougeaient pas. Mais quelque part, c'est quand même compliqué parce qu'il doit animer à chaque instant et toujours raconter quelque chose. Alors il y a tellement de réverb que j'ai rien compris. J'ai compris, il y a des gens qui vont la gueule ce soir. Est-ce que pour l'année prochaine on pourrait avoir ces effets là? Mais alors, est-ce que c'est en cours de... On se moque, mais oui, c'est en cours de négociation. Oh, d'accord, en fait, très bien. C'est même plus complexe que ça. Ça fait 3 mois que je mendie des effets à l'équipe technique de cette radio. D'accord. Sauf qu'ils m'ont dit, on les a, mais on les a pas encore mis. Ah. Alors, soit ils essaient de gagner du temps pour pas qu'on fasse les forains, soit ils ont vraiment pas la solution technique. Bon, 2023, c'est la porte d'un côté, donc en soi. Ouais, j'espère. Vous savez quoi, on va les relancer ce soir. C'est vrai. On va envoyer un petit message, voir s'ils ont pu avancer, parce que nous, on veut notre écho, franchement. Ouais. Là, le DJ, là, dans le reportage, il nous impressionne. Il a sa sono, son micro, son écho. Il fait rêver. Il a du succès. Il te fait bander, Maëva. Non, enfin, oui. Non, mais on a compris. Ouais, non. Bon, ouais. Il témoigne. Pour la plupart des gens, le boulot de DJ, c'est un des plus beaux métiers. Tu vois, les clients qui sont là en extase, qui rêvent de faire la même chose que toi, à DJ, il claque des doigts, c'est le cas de dire, il a presque toutes les femmes à ses pieds. Je crois que moi, en plus de ce côté-là, j'ai jamais eu de problème. Je crois que j'ai un beau fan club. Ah ouais, un beau fan club. Toute la modestie. Je savais pas que Coluche avait fait DJ, mais bon. Coluche ? Oui. On dit rappel à votre Coluche, non ? Bon, pas du tout. C'est Noël, le temps des cadeaux. Pour la plupart des gens. Ah oui, un peu. Okay, et encore, oui. Coluche, il accentue sa voix là dans la chanson. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ils ont le même accent, je pense. Ouais, ça doit être ça. C'est une question d'accent. Bon, sympa. Est-ce qu'on engagerait un DJ comme ça pour une soirée premier degré, hein, vraiment ? FLP, oui. Mais et vous rigolez, mais mon père, il est dans le coup. Il s'appelle FLP. Non, mais il peut faire tout ce. Enfin, je veux dire, il fait pas que des trucs vieux, il fait vraiment. Et une fois, il m'a hyper impressionné parce qu'on lui avait demandé du hardstyle. Et je me suis dit, mon Dieu, mais je vais devenir. Eh ben, il y avait des gens qui sautaient partout et tout. Genre. Il est venu complètement schnouffé. Mais non, mais il peut tout faire, c'est un caméléon. Oui, il peut tout faire. Il est familier avec Zach P, non? Non, non, il sait faire les baptêmes. FLP ce soir! Il fait les bar mitzvahs! Avec un petit rail de coke! Et tous ses effets spéciaux! Allez, Mariou, sur la table! Ce soir, c'est Jadoul qui pilote! Futuring FLP! De 20h à 22h, c'est la trappe sur Gaïef. Tu te rends compte ce que ton père nous fait faire? Non, mais on a basculé dans une autre dimension avec tes conneries, Maëva. Merci, papa. Dans un instant, le top 5 des pires cadeaux de Noël. Ça arrive juste après Drake. Merci de nous avoir choisi, c'est la trappe. Bonsoir, bienvenue. Le 20h-22h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur Gaïef. Absolument, jusqu'à 22h, on va bien se marrer encore ce soir, étant donné que là, juste avant d'atteindre la minute tactile de Maëva, qui nous parlera de... Les technologies de 2023, enfin les tendances à prévoir. Oh là là, on va se balader dans le futur là. C'est ça, oh. C'est ça. Je savais toujours qu'elle savait y faire avec sa boule de voyance. Le cabaret de la trappe ouvrira aussi ses portes avec Mifroid, le frère de Michou, qui sera là pour nous émerveiller avec tous ses artistes et toute sa clique. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner cette séquence. Franchement, j'ai peur. Moi aussi. Mais il nous fallait quelque chose pour succéder au marché de Noël. Et à Claude. Et à Claude. Et à Claude. Donc un personnage fort haut en couleur. Le top 5 maintenant. Les pires cadeaux de Noël. Vous le savez, en ce moment, une personne sur deux, c'est un vrai chiffre, est en train de revendre les cadeaux qu'il a reçus à Noël sur Internet. Donc, on va se faire un petit top 5 des pires cadeaux de Noël. Je lis le premier ici. Je déballe mes cadeaux de Noël. Chouette, ma mère m'offre un livre de recettes. 90 pages pour arranger viande et poisson. Je suis végétarien depuis 8 ans. Ah. Ça, c'est un peu con. C'est énorme. Putain. Ok, en deux. Mon copain m'a offert le cadeau dont j'ai toujours rêvé. Une allonge multiprise. Super. C'est énorme. Super. 3. Ma belle-mère m'a offert le même parfum que celle qu'elle porte. Ah oui, pour que son fils pense plus souvent à elle. Ça, c'est un peu chaud, ça. Mon enfant. C'est un peu particulier. Ça va pas du tout, ça. C'est violent. Numéro 4. Ma femme est engagée dans la lutte contre les discriminations envers les femmes. Elle est féministe depuis toujours. Pour Noël, je lui ai offert un bon aspirateur. Ça, je l'aurais c'est jamais trash. Osé. Je pense que c'est pour la vanne. Bah, j'espère, le vraiment cliché. J'espère. Mais... Ah oui, c'est le cliché. C'est le cliché. Il est de famille avec Jean-Michel, c'est ouais. Sûr. En numéro 5, mes parents m'ont particulièrement gâté pour ce Noël. Papier toilette, essuie-tout, bidon de lessive et assouplissant. Non mais ça c'est le truc basique, c'est même pas un cadeau ça. C'est pas un cadeau. Alors il y a la liste, il y a les cadeaux utiles et il y a les cadeaux plaisir c'est ça. Et ça c'est très c'est très au-delà de l'utile, c'est vraiment du foutage de gueule en fait. Ils sont un peu radins là pour le coup. Toi t'as reçu quoi à Noël? Alors j'ai reçu pas mal de cadeaux mais il y en a un qui m'a particulièrement fait rire. Je m'attends au pire. Oui, en fait je parlais avec mon père et à un moment donné il me dit bon écoute, t'auras pas de cadeau de ma part mais t'as reçu une belle somme de ton parrain donc c'est déjà pas mal. D'accord, bon bah non, en vrai il faut savoir qu'il m'a quand même déjà acheté plusieurs choses sur ah, le côté oui, mais oui. Voilà, le jour des fêtes en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, je me suis dit ouais. Ah, ok, je vois pas trop le rapport avec le cadeau de mon parrain mais d'accord si tu veux. Ça c'est pas bien de se servir d'un prétexte parce que moi figurez-vous que je suis né le 15 décembre et je pense que t'as le même problème toi qui t'es né le 5 janvier donc forcément c'est une période où on a tendance à tout englober. Allez c'est déjà bon. Saint-Nicolas, Noël, Nouvel An, je te file ce tout avec ton anniversaire, c'est un cadeau et tu seras content. Tiens, une enveloppe avec des sous. Voilà. Et ne me fais plus chier. Malheureusement, c'est un peu ça. C'est comme ça que t'es devenu le Grinch, en fait. Oui, voilà. Il y a beaucoup de gens c'est qui sont... C'est pour ça qu'il devient un peu vert. Vous arrêtez maintenant de me tailler. Je comprends mieux, je comprends Allez, mieux. Tous les deux, vous vous décalez là sur la marque, au sol. Merci, encore un petit peu. Maëva, tu dépasses non, un peu non. Aussi. Voilà. Allez, Marthe, c'est bon. Voilà. Donc ça ne fonctionnerait jamais mon bouton. On va donc revenir sur les tendances technologiques pour 2023 avec toi Maëva dans quelques instants. Oui. Patrick Sébastien sera ton invité Kix. Oui c'est ça. Pour le FaceTime, on va se connecter à lui et on va parler de Magali Berda. Elle a fait l'actu ce matin. D'accord. C'est tout frais et on va décrypter ça à chaud. 20h, 22h, c'est la trappe sur Gaïef. Bonsoir, bienvenue. Oh là. L'actu connecté et les dernières tendances. trappe. Bonne nouvelle, on vous a fait un petit résumé de toutes les prédictions pour 2023 au niveau de la tech. Oui, les tendances à venir, on a sélectionné ce qui allait arriver, ce qu'on pense qu'il va avoir du succès, mais ce qui concerne aussi, parce qu'il y a des trucs, enfin, je veux dire... Ouais. Voilà, là, ça, c'est des choses qui nous concernent, nous. Les voitures qui se rechargeront sans fil. Non. Voilà. Voilà, c'est ça, des trucs qui nous touchent tous au quotidien. C'est ça. Alors, en premier, la 5G, qui va enfin être là en Belgique. Mais il était temps. Et on est d'accord que ça fait des mois, des années qu'on en parle. On va tuer des oiseaux. Attention. Des petits cancers. Oui. Depuis j'ai la 5G. Et moi j'avais même des gens dans mes amis Facebook qui mettaient en photo de profil le 5G barré. Oh là là. Non mais sans déconner, j'ai à peine une borne de chez moi la 5G parce qu'en Flandre c'est autorisé alors qu'à Bruxelles non. Et donc il suffit que je me balade un petit peu plus loin derrière là où je bosse. Oui. Et donc je vais un peu là-bas et j'ai aucune la 5G. Ça fait bizarre de voir ce chiffre sur mon téléphone. Pour ceux qui vont d'ailleurs pour tous les Bruxellois, ceux qui vont au IKEA Zaventem, vous captez la 5G. Ah ben voilà. Mais du coup là, ce sera partout en Belgique en 2023 parce que il y a voilà Proximus, Orange B, tout ça ont racheté et le gouvernement wallon du coup a donné son accord. Donc c'est plus qu'une question de semaine. Ok, donc la 5G arrivera en 2023. Voilà, on peut plus rien y faire. Là, et c'est quoi qu'il y a de bien déjà avec la 5G C'est plus rapide. C'est plus rapide, c'est plus meurtrier. Non, j'arrête parce qu'on va vraiment croire. C'est comme que... si tu me dis, c'est quoi la différence entre l'iPhone 4 et l'iPhone 14 Bah alors, comment te dire ouais. Ok, ça va. Non, c'est forcément amélioré. En deux. En deux. Mais du coup, attendez. Oh, excusez-moi, j'ai perdu mes feuilles. Ah, bah tiens, c'est notre maladie qui se propage. Non, c'est bon, j'ai retrouvé. Ah, le va, phishing. Alors. Est-ce que quelqu'un sait ici c'est quoi le phishing? Ah, mais bien sûr. Le poisson pané, c'est les Non, c'est un système de piratage en fait, et ça existe depuis la nuit des temps du piratage, mais il paraît qu'en 2023, il va vraiment y avoir des trucs importants. En fait, le phishing, c'est quand on vous envoie un mail, on se fait passer pour quelque chose d'officiel, et c'est pas officiel. Et donc on clique parce qu'on a vraiment l'impression que c'est officiel. Je traduis. Un peu comme ta société, je rigole. Ah! Voilà, tiens, prends-toi ça. Rends-moi mes feuilles, par contre, j'en aurais besoin. Non, je lui ai lancé des trucs à la gueule, sauf que j'en ai besoin. Merci. Non, mais, qui sont alors, dissipés pendant ma séquence, c'est horrible. Oui, mais c'est un problème. Non, mais en fait, on vous résume le phishing pour ceux qui connaissent pas. En gros, c'est comme si je créais une fausse interface Facebook qui ressemble à la fenêtre de connexion et que derrière ça, c'est pas un vrai Facebook, mais juste le fait que vous entriez en pensant que c'est le vrai Facebook, votre adresse mail et votre mot de passe, en fait, ça m'envoie juste les coordonnées en clair. Et derrière ça, vous n'êtes pas connecté à Facebook, ou ça vous fait croire qu'il y a une erreur et ça vous dirige vers le vrai Facebook. Mais entre-temps, j'ai votre mot de passe, j'ai votre adresse mail. C'est ça, faire du phishing. C'est exactement ça, et ça prend du coup les données, mais aussi les données bancaires. Ça, ouais. C'est vraiment. Et alors, du coup, ceux qui sont le plus utilisés là en 2023, c'est Proximus, Belfius, Amazon, Disney+, la police fédérale. Bref, si vous recevez un mail d'eux et que vous avez vraiment l'impression que c'est eux, bah, il faut y réfléchir à deux fois et vérifier à deux fois parce que même si ça a l'air très vrai, c'est peut-être pas vrai. Exactement. Je regardais encore un truc génial sur Netflix, mais c'est fou. On vous demandera jamais des codes par téléphone, on vous demandera jamais des identifiants, un mot de passe. Facebook va jamais vous appeler pour vous demander votre mot de passe, ni votre banque. Enfin voilà, il faut être vraiment très vigilant par rapport à ça. C'est ça. Et en troisième, du coup, on continue. L'intelligence artificielle, ça va encore se développer, cette fois-ci à notre échelle, parce qu'on en entend parler, on voit des vidéos, mais est-ce que vous avez déjà testé l'intelligence artificielle? Oui. Oui, moi, oui. Pas du tout. J'ai découvert un site, en fait, on lui donne un sujet. Et 100 fois plus efficace que les auteurs de cette émission. Quand on démarre avec un sujet, l'intelligence artificielle est capable de broder tout un texte. Donc ça veut dire qu'il y a des étudiants en ce moment que je connais qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des résumés de livres. Et c'est vraiment fort. Moi j'ai vu un truc, je l'ai pas utilisé du coup, mais c'est je crois que tu peux mettre n'importe quoi, aussi un petit texte et ça te crée une photo. Je sais pas si vous avez vu. Oui, c'est ça. Mais justement, j'en parlais. Parce que c'est sur les smartphones. Donc, il y a vraiment. Dans les smartphones, pardon, de 2023. Les smartphones Mais c'est parce que j'ai regardé Kik. C'est la bafouille. Smartphone. Ne le regarde pas parce que c'est la source de toutes les bafouilles de cette émission. Il me semble. On est dissipés. Déjà 20h35, on n'arrive plus à se tenir. Vas-y, je l'arrête de parler. Vas-y, parle. Allez. Mais du coup, je disais sur les smartphones. Oui. Donc, voilà, en 2023, va déjà y avoir de l'avancée. Donc, il y a vraiment. On s'adresse à son téléphone comme. Il y a vraiment une relation machine-humain pour vraiment lui demander les trucs, etc. Mais aussi des applications. Oh. Relation machine-humain. Oh, wow. Et du coup, comme disait Kix, par exemple, est-ce que t'as déjà vu un, je sais pas moi, un ours blanc qui faisait de la guitare rose? Non. Eh ben, il y a des applications, tu demandes ça et ça te génère avec toutes les bandes trop de données. Bien. Ça sert pas à grand chose, mais c'est vraiment voir qu'il y a aucune limite à l'intelligence artificielle. Et le mabou, il a parlé. Mais c'est pas possible. C'est quoi, j'ai rien dit. Oh. Et donc voilà, en 2023, plein de nouveaux trucs ainsi vont sortir. Il faut être franchement, attentif. Ça m'intéresse de fou l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'on va voir si, par exemple, les intelligences artificielles vont remplacer peut-être les graphistes. Ça va peut-être faire des logos. Par exemple, pour ton père DJ Flop, là, je sais plus c'était quoi son nom. FLP. FLP, oui, mais ça va, j'avais une lettre en trop. Tu te calmes. Non, mais ça va, c'est bon. Ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous. On a le droit de se tromper encore dans ce pays, ouais, non ouais. Oh, oh. Mais pas son logo parce que c'est moi qui l'ai fait, donc. Ah, oula, pardon. Là, tu t'attaques doublement. Ok, bon, on ne dira rien. C'était très bien, bravo Maëva. On merci se retrouve beaucoup. La semaine prochaine. Ce qui serait bien, c'est que la semaine prochaine, tu nous fasses un top des applications qui pourraient nous aider à tenir nos résolutions. Ok, ouais, non, c'est possible. Allez, ouais, vendu, on fera ça. De 20h à 22h, c'est La Trappe sur KIF. Jean-Michel va arriver dans son crypto troquet. Bienvenue, merci de nous avoir choisi. Attention, je pense que vous êtes pas prêts. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Non mais vous savez, pour parler sérieux deux secondes, c'est un peu compliqué parce que avec tout ce qu'il y a comme frais, augmentation en ce moment, on n'a pas forcément les sous juste pour se divertir et se faire plaisir. On n'a pas la chance d'avoir un peu de spectacle ou de divertissement. Il y a des familles, ils n'ont rien fait pour les fêtes. Et vous êtes peut-être dans ce cas-ci et vous nous écoutez ce soir. Ça nous fait déjà très chaud au cœur que vous nous ayez choisi pour vous divertir. Alors on s'est dit, on va faire venir à vous notre cabaret qu'on a spécialement créé pour vous. Il y a plein de choses à savoir dedans. Le cousin de Michou, le frère de Michou, c'est Mifroid. Bref, je vous propose qu'on démarre cette séquence tout de suite parce que là, je pense que ça va plaire à tout le monde. Mesdames et messieurs, en cette veille de nouvelle année, La Trappe vous présente le cabaret de Mifroid, le cousin de Michou. Welcome et bienvenue, welcome. Et mes cabarets, mon cabaret, tout cabaret. Oh merveilleux! Oh bienvenue mes beautés! Ici on va s'amuser avec nos grands artistes qui vont vous émerveiller! Vous allez en avoir plein les yeux, vous allez en avoir plein les oreilles. On va commencer avec notre premier artiste qui est là pour vous ce soir. Levez votre verre pour... Merveilleux, bravo, félicitations, c'était splendide. Bienvenue, bravo les amis. Bon alors sous vos applaudissements, je vous propose d'accueillir Mireille. C'est notre petite protégée, elle n'a jamais pris de cours de chant et pourtant, elle est là avec son magnifique grain de voix pour vous ce soir. Rappelons qu'il est interdit de tuer les artistes lors de leurs prestations. C'était mortel! Oh, quelle belle interprétation! Elle a tenté de nous chanter! Nous... Je sais pas quoi, j'ai pas reconnu, perso... Bon, notre clou du spectacle, vous allez en avoir le souffle coupé! Posez votre verre. Avant d'éclairer notre artiste pour sa performance, sachez qu'il est capable de faire du piano tout en coinçant son micro au fond de sa gorge. Applaudissez-les! Plus fort. Il a avalé le micro, je pense. C'était la première partie du grand show de ce cabaret. Avant 22h, La Trappe vous présentera de nouveaux numéros inédits. Nous vous demandons de rester pour ne pas louper la suite du spectacle. Oh merci, à tout à l'heure mes beautés. De 20h à 22h, c'est La Trappe sur KIF. Qu'est-ce qui vient de se passer à l'antenne? Là, je pense que j'ai loupé un épisode, mais je n'avais pas validé ça. Moi je pense que ça... Il y en a une deuxième partie? Il faut croire. Il paraît. Bon, on écoute Juice WRLD maintenant. J'étais pas prêt. Et juste après, on fait l'interview combinée avec Fabrice Eboué. Mesdames, messieurs, vous avez choisi le moment de nous rejoindre pour atteindre notre séquence qu'on appelle l'interview combinée. Le 20h-22h, c'est avec Janoul. Dans La Trappe, sur KIF. Alors, l'interview combinée, on vous explique comment ça se passe. On prend une vraie interview du média Combini et on en fait une interview combinée car le moins drôle d'entre nous qui posera des questions à l'invité du jour, Fabrice Eboué, se prendra un coup de... Combiné. Bonne réponse, merci, il y en a un qui suit. Mais j'aurai un point, pardon. J'aurai un point, enfin. Pardon, vous êtes là, Maïva? Oui, oui, tout à fait. Ah tout bonjour, fait, enchanté. Excusez-moi. Janoul, voilà, bienvenue, c'est La Trappe ici. Voilà. Merci de me recevoir. L'humoriste Fabrice Eboué est là pour nous ce soir. Qui a la première question? Ah, je peux essayer. Vas-y, vas-y. Tu en as pensé quoi de la prestation de Jadoul et Maëva dans la séquence précédente? Ça me gêne beaucoup. Ah ouais? Ah bah écoute. D'accord, bah on va pas te louper pour ton FaceTime avec. Oui, j'en doute Sébastien. Pas, j'en doute pas. Oh là là. Et c'est pour ça que je me prépare à l'avance, tu vois. Quand on balaye pas sous sa porte, hein, on se tait, hein. Bon. Moi j'ai. ce que dit une meuf quand je me déshabille. Ça me gêne beaucoup. Voilà. Ça fonctionne aussi. La deuxième. Ah, moi j'ai un cover de Johnny Hallyday. On propose ça, on le met sur YouTube et puis on regrette. C'est drôle. Moi j'ai la maquette que a fait Kix pour être embauché en radio. On propose ça, on le met sur YouTube et puis on regrette. C'est d'accord. Trop méchant. La numéro... Non, bah ça va, j'ai l'habitude. T'as la 2, t'as la 2 ou pas? Oui, je l'ai. Oui. Ah, la 3, la 3, non pas la 2. La 3. Moi je zappe, oh là, moi directement là. Et on passe, on saute. Ok, Maëva, la 3. La 3 je sais pas, regarde ce messieurs de bras. Ce messieurs de bras. Ah ouais, d'accord. Oh, vous êtes au taquet aujourd'hui. On voit que c'est la fin d'année, on a plus rien à foutre. Hein. Ah là, on lance les papiers. Hein. Vas-y. Peux-tu faire le bruit d'un vieux camion qui rouille? Non, mais arrête. Tu peux pas me chier la séquence comme ça. Si, non, mais sans déconner. Ben si. Un vieux camion, fait. Un vieux camion qui rouille. Un camion qui rouille, ça ne fait pas de bruit. Bah si, tiens, ça tiens, rouille. Tiens, donne ta tête. Voilà. En fait, toi aussi, Maëva. C'était un vieux camion qui cale, mais j'ai mal écrit sur ma fiche et j'ai cru que c'était un vieux camion qui mais colle. Évidemment. Du coup, attends, c'était changé. Pas difficile de donner un coup de téléphone, hein. Oh. Mais comment cale qui sert devenu colle est devenu rouille? Parce que j'ai mal écrit. Mais alors là, je ne vous supporte plus. Vous vous rendez compte que c'était du pain béni d'avoir juste... On propose. Attends. Ça. C'est facile. Mais vas-y, toi. Moi? Oui. Bah toi, tu fais ça facilement, toi, ça devient, c'est inné. Bah oui, mais c'est pour ça que je ne le fais pas. Ah, voilà. Bah nous non plus. Allez, on fait le dernier, Kix. Tu ne l'as pas. Eh bah, c'est très bien. Voilà, tiens, prends-toi ça. Bah, Eva. Ce copain Jadoul de cette voilà. séquence, du coup. Tu peux le faire sans bafouiller. Merde. Oh j'ai envie de rire. Non, appellera le passé. J'ai envie de rire en même temps. Allez, vas-y. Mais la trappe. C'est que pense Jadoul de cette séquence? Finalement, la provoque, le malaise, ça fait partie de notre palette. Hein. Allez, ah, merci. Attends, j'en ai une. Vas-y, vas-y. L'équipe de la trappe. Finalement, la provoque, le malaise, ça fait partie de et notre palette. Hein. Et toi? Vous m'avez saoulé. On peut te donner à toi un coup, voilà. coup de combiné. Alors, la séquence combinée par rapport à l'équipe. Finalement, la provoque, le malaise, ça fait partie de notre palette. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Dans un instant, on va revenir avec Jean-Michel et aussi notre hockey boomer. Ce sera Magali Berda qui sera dans l'émission. Ça va l'équipe, hey. Vous êtes en forme? Ah oui, moi je danse là, j'aime bien. Mais il va te réveiller ce soir, mais dis donc. Mais je le regarde danser. Oui, mais on s'en fout de ça. Il faut pas le regarder, c'est comme ça qu'il se nourrit. Attends, hop là, on se réveille. Allez hop. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Parce que je vais confisquer les téléphones, hein, si ça continue comme ça. Hein. Oh là là là, attention aux malheureux. Hein. Bon, justement, en parlant de téléphone et de réseaux sociaux, vous connaissez la reine des influenceurs? Oui, si, en France. Oui, bah ouais. Oui, même dans le Benelux, c'est la France. Ah, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, en France, enfin, je sais que c'est Magali Berda en France. Voilà, mais... Magali Berda, elle était en larmes ce matin sur les réseaux sociaux. Écoutez. J'en ai marre. Je veux que ça s'arrête. Il faut l'arrêter, je vous en supplie. J'en peux plus, ça fait 8 mois que ça dure, tous les jours. Il faut l'arrêter, j'en peux plus. Je vais faire quelque chose. C'est pas une nuit. Bon, alors elle est visiblement en détresse, alors en fait elle était en larmes, je vous recontextualise, hein. Elle était touchée parce qu'il y a une petite tension avec le rappeur Booba, qui en plus s'est amusé de cette vidéo-là et en a fait encore un petit commentaire. Donc je vous explique, elle fait cette vidéo parce qu'elle a des problèmes judiciaires très importants et financiers qu'elle ne pourra pas surmonter. Elle sait que ça arrive à grands pas, bonne fête à tous, même à Magalax. Donc Booba en rajoute une couche et ils sont en clash parce que dans un communiqué mi-juillet, Magali Berda accusait Booba de la cibler sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois par des, je cite, publications mensongères et humiliantes. Elle dit « Je subis un harcèlement en ligne quotidien et massif avec des milliers de messages ». Alors lors d'une conférence de presse mi-septembre, elle avait qualifié Booba, donc Eli Afa de son vrai nom, de harceleur qui se dit lanceur d'alerte. Voilà, ça c'est une citation. Et qui a une quinzaine de plaintes qui ont été déposées après l'harcèlement que Booba a initié selon elle. Et en octobre, le parquet de Paris a indiqué que 11 hommes et une femme seront jugés en 2023 à Paris pour des soupçons de cyberharcèlement visant Magali Berda, hein, la papesse de la télé-réalité. Donc elle a été ciblée sur les réseaux sociaux, elle avait déposé plainte, mais le problème c'est que même le pôle national de la lutte contre la haine en ligne et le tribunal judiciaire de Paris n'ont pas pu faire stop à ce cyberharcèlement. Mais c'est compliqué quand vous avez tout internet qui est contre vous. Oui. Comment est-ce que vous voulez vous en sortir? Bah surtout à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, c'est quand même une personnalité extrêmement connue. Mmh, ouais. Et donc plus qu'elle ne le pense peut-être. Ouais. Et donc ouais, dès qu'il t'arrive un truc à ce niveau-là, ah c'est chaud, branche très cher. Ouais. Mmh. Ouais, non. Et puis t'as tout le monde qui donne son avis alors que c'est ça. C'est... personne n'est au courant, personne ne sait rien, mais tout le monde coupe sa gueule comme on dit chez nous. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi franchement, j'aimerais pas être à sa place parce que c'est compliqué de faire stop à toute la haine qu'elle est en train de recevoir. Et comment est-ce que vous voulez? C'est comme Jérémy Star, on va peut-être en parler la semaine prochaine parce que c'est son anniversaire, mais Jérémy Star, il a quand même été dans une merde incroyable avec toutes les fausses accusations et rien n'a été fondé. Et c'est le problème. Donc ça veut dire que des rumeurs ont détruit sa carrière. Et ça se trouve, Magali Berda, c'est les dernières heures là. Et le problème, c'est que ça s'efface pas. Ah non, bah non, ça reste. C'est un délire. Voilà, voilà, donc c'est une réputation. Ouais, mais après les gens sont, enfin les gens croient tout ce qu'ils lisent, etc. Enfin, ouais. Je sais pas. Mais c'est vrai. Bon bah écoutez, affaire à suivre. On verra comment ça va se dérouler entre Booba et Magali Berda. Affaire à suivre. Octogone. Peut-être. Mais Booba, il se bat avec tout le monde, vous savez. Ouais, c'est moi. J'ai l'impression, bah, il cherche. Booba, c'est simple. Il est un peu en fin de vie entre guillemets, et donc il essaye de faire du buzz sur des faits d'actualité, et donc voilà. Mais ouais, il arrête pas, il y avait Stromae, Angèle. Bah oui, mais c'est sa manière, et vu que d'ailleurs on en parle encore aujourd'hui, c'est pas pour rien, ça fonctionne. Allez, on peut dire que c'est un gros con. Allez, on l'écoute maintenant. C'est notre invité ce soir. Ce que j'allais dire, il passe pas après. Non, il passe pas, je viens de vérifier. En vrai, en tant qu'artiste, moi par exemple, j'aime bien en tant qu'artiste, mais c'est vrai que chercher des petites babettes comme ça juste pour faire du buzz, je trouve ça inutile. C'est vrai. Bon, écoutez, on va ramener un peu de légèreté là-dedans. Ce qu'on retient dans tout ça, c'est. Oui, c'est son petit reniflement dans la vidéo à Magali Berda. Ah, c'est charmant, hein, elle le fait bien. C'est génial. Et imaginez. Il faut l'arrêter, je vous en supplie. Oui, on pourrait dire ça avec tout. Par exemple, Xavier de Pont de Ligonnès. Il faut l'arrêter, je vous en supplie. La création de chocolat à la menthe. Il faut l'arrêter, je vous en supplie. Michel Drucker. Il faut l'arrêter, je vous en supplie. Mais enfin! Mais ça fait bien, il a quel âge, Tom là? Oui, mais c'est à un vrai, moment, il faut savoir dire stop! Ouais, c'est vrai! La chronique de Kix! Il faut l'arrêter, je vous en supplie! Ah non, parce que ça arrive juste après, alors nous, ça nous fout dans la merde si on commence à l'arrêter. Patrick Sébastien est là en plus. 20h, 22h, c'est la trappe sur Kayev. Bon, il faut pas l'arrêter, il faut la rater! Non, mais ça, tu t'en charges très bien tout seul! En on a du pain sur la planche là. Des 20h, c'est Jadoul sur KIF. Vous savez ce qu'on fait maintenant? Eh oui, on va passer directement au FaceTime. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Eh oui. Tu m'éclates. Cette semaine, c'est qui notre invité? Patrick Sébastien. Oh, il est toujours vivant. Ah oui, d'ailleurs, ce soir. Bah oui, quand même. Sur C8, si vous aimez Patrick Sébastien, c'est peut-être déjà en route. Enfin, alors non, je vais pas vous dire parce que sinon vous allez zapper, c'est maintenant. Mais il fête l'anniversaire de sa grande émission, Le Grand Bluff. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Le Grand Bluff? Le Grand Bluff. Oh. On était nés? Non, bah non. Mais c'est cool, c'est-à-dire que c'est quand il s'incrustait dans des émissions de télé et il essayait de pas se faire reconnaître, mais il rendait fou les gens. En fait, c'était, je pense, l'ancêtre de Patrick Sébastien, Greg Guillotin et tout ça. C'est vraiment Greg Guillotin. De Patrick Sébastien, de François Lambrouille. Voilà. Ok. Merci à tous. Bon, vous savez quoi, je vais la fermer. Au revoir. Bah, c'est ça. Je pense que je vais plutôt te laisser gérer avec Patrick Sébastien. C'est ça, oui. Donc en fait, il m'a envoyé une invitation récemment et je comprends pas trop ce qu'il voulait. Donc je vais tout simplement l'appeler tout de suite en direct et j'espère qu'il va répondre d'ailleurs. Allô, Patrick, tu m'entends? Casimir! Ah non, Patrick. Non, moi c'est Kix. Hein. Dis, j'ai bien reçu ta lettre, mais c'est quoi exactement ta soirée slip moutarde et choucroute à touf touf là? C'est quoi ça? C'est le pays joyeux, les enfants heureux, les monstres gentils, oui, c'est un paradis. Ok, attends, parce que là, ça m'a encore l'air d'être une bonne soirée lunaire, ça. Tu penses réellement que je vais m'amuser? Parce que généralement, tes soirées, c'est toujours un petit peu olé olé. Hein, Ça va être parfait, on va te mettre le feu. Pardon? Ça va être parfait, on va te rendre. Ah oui, il me semblait bien que j'avais pas bien entendu. Dis, donc tu comptes faire quoi de spécial? Y a qui? Y a quoi? Y a les paillettes, y a les danseuses. Ok, bon, jusque-là c'est du grand Patrick Sébastien, rien de nouveau. Y a les sardines, y a les danseuses. Oui, les danseuses, ouais, tu l'as déjà dit, mais concernant les sardines, par contre, moi je suis pas fan, hein, perso. Y a les brochettes, y a les danseuses. Patrick, j'ai compris, pour les danseuses, j'ai compris, c'est bon. Mais pour les brochettes, ouais, tu vois, j'ai bafouillé, ça y est. Ça commence. Parfait, pour les brochettes, je vais prendre ça. Y aura des activités? Y a la piscine, y a les danseuses. Patrick! Oh, mais c'est pas possible! À part des danseuses, y a d'autres personnes? Et mon frère Yann, il est déjà le gramme et qui va finir sur la table en nous chantant Viola. Ok, génial, ouais. Bon, je crois que finalement, si je viens, c'est vraiment juste pour me détendre dans ta piscine. Ah oui, juste, en plus, c'est vrai que ta piscine, elle est couverte. Donc j'espère que la température de l'ambiance est bien. Elle est comment? Chaud! Ah, c'est chaud? Chaud! Ok. Il fait chaud! Ah, je préfère ça, c'est pas mal. Franchement, tu pourrais même en faire un tube, je trouve. Un petit coup de fanfare à la Jadoul et ça pourrait rajouter un petit cachet assez sympathique. Essaye un petit peu. Oh, ça c'est parfait, ça c'est bien, c'est bon, tu m'as convaincu, je viens. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du festival. Une fanfare à la Jadoul? Oui. Il fait chaud. Merci, c'était encore très bien, je trouve. Là. Ouais. Non, c'est du kicks. Non, mais c'était bon. Arrête un peu de démonter ta séquence à chaque fois. Ouais, mais on la réécoutera en podcast. On verra. Non, mais je trouve que des fois, il faut arrêter de. T'es témoin, Maëva, hors antenne, ce qu'il disait sur sa séquence. Mais oui. Comment tu veux y croire à ta séquence? Mais c'est ça, c'est vrai. Croire en soi, c'est déjà presque réussi. Et l'air de rien, on en fait des jingles. Oui, bah ça, ça c'est un peu c'est le problème. Bien fait. Non, alors dis-toi que le jour où on arrête de faire des jingles avec toi dedans, c'est que t'as réussi et que tu peux passer à autre chose dans ta carrière, d'accord? Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet? Non, moi j'étais bon, hein. Dans le texte j'étais bon. Alors il me manque une feuille. Et c'est normal, dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Radio Falminoul arrive, qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Tu vois les qualités de là où Mais non, Radio Falminoul, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est deux personnages qui viennent nous témoigner. En fait, ils viennent d'une radio locale. Voilà, on vous allez voir le thème tantôt. Juste après Jadoul. Pardon, Kix? Non, moi j'ai rien dit. J'ai entendu un petit. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, parce que là, maintenant, on va faire notre certifié. Yeah. On devait pas lancer un générique. Ah oui, c'est pourquoi faire, oui, pourquoi faire, pourquoi faire, nous, bon, enfin, c'est la fin de l'année. On est en train de bouffer à côté, nous, on a autre chose à foutre l'émission. On déconne, bien sûr. Parce que Jean-Michel va nous rejoindre dans quelques instants, on va continuer notre. Notre top 5 des pires cadeaux de Noël, ça va être encore incroyable. J'espère que vous en avez d'autres à nous raconter parce que c'était fou aussi vos anecdotes. Radio Falminioul, c'est ce qui arrive dans quelques minutes. Pour l'heure, on va savoir si votre Noël s'est bien passé. Maëva, on a compris, ça s'est étalé sur 3 semaines. C'est ça, mais sinon, ouais, nickel, c'était chouette. C'est bien. C'est toujours chouette. En famille, c'est... entre amis. Famille. En club échangiste, bon, voilà. Oui, attends. Moi, dans les clubs échangistes, vous savez ce qu'on dit quand j'arrive ? Non. Ah bah on me dit... C'est Jadoul qui pilote. Non mais sérieusement, qui que ce soit, c'est bien passé ? Moi, c'était assez calme. Enfin, ça dépend en fait. Il y a un jour où vraiment c'était le rush parce qu'on a dû partir. Donc j'ai été chez ma copine, on l'a fait chez elle. Le lendemain, à midi, on devait être chez ses grands-parents. Voilà, c'est très intéressant. Donc on va maintenant parler de Loïc que j'ai rencontré. Alors Loïc, bonjour. Bonjour à tous les abonnés, bonjour à tous et à toutes. Ah, alors, bon, ça va, ça se passe bien. Je viens vers vous, déjà, pour vous souhaiter une bonne année. C'est bien gentil, merci, mais vous devriez pas nous parler de quelque chose, je sais pas, un cadeau que vous avez reçu, Loïc. Aujourd'hui, je viens vous présenter un produit, parce que le téléphone... Bah le téléphone, voilà, il y en a marre, hein, le téléphone, allô, bah oui, mais quand on n'a pas le numéro de l'autre, bah le problème c'est qu'on ne peut pas, le joindre. Bah oui, ah bah ça c'est, je pense que c'est la meilleure phrase de toute la séquence, quand on n'a pas le numéro de téléphone de l'autre, allô, on ne peut pas le joindre. Non mais c'est un fléau le téléphone, c'est vrai, moi je le confisquerai à Maëva, on ne voit plus sa tête, elle est dedans là. C'est les auditeurs au 0... Ouais, c'est voilà, 15, 10, je réponds aux auditeurs. Ouais, au 04, j'ai donné ton numéro. Non mais bon, voilà, Loïc jusqu'ici nous a rien présenté. On a envie de savoir, Loïc, qu'est-ce que vous nous présentez ? Cet appareil, ça s'appelle une radio CB que j'ai acheté à pas de partenariat, bien sûr, rien. Je vais vous le montrer maintenant. D'accord. Pouvez-vous nous décrire c'est quoi exactement l'appareil pour les personnes comme Kix qui n'y connaissent jamais rien, tu sais même pas ce que c'est une CB, toi. Non, pas du bon, tout. Non, bah, voilà, écoute. La CB, c'est la 6900 SS de chez CRT. On comprend rien. Vraiment, je vous le dis là, vous nous avez pas éclairé. Qu'est-ce que c'est une CB ? On sait toujours pas. Bon, c'est pas grave. Déballons. Donc, c'est un appareil, comme vous pouvez voir, que je vais défaire devant vous. Je vais vous montrer. Oui. Voilà. J'ai pas ouvert, j'ai reçu aujourd'hui. Donc, voilà. Oui, vous avez le livre. Oui, bon, ok. Vous avez encore un manuel. Oui, mais c'est chiant, c'est de la radio. Oh là là là là. Le deuxième manuel. Oui, bah. Voilà. Voilà, et toujours pas de CB. C'est bien, d'accord. Bon, c'est un peu chiant, hein, votre appareil là. Hein. Je trouve que c'est vraiment un peu nul même. Ah, attendez, je vais faire ça. Comme ça, voilà. Il a cassé ou j'ai réveillé ? Fallait pas réagir comme ça, Loïc. Fallait pas balancer votre CB par terre. Vous savez, je pense que vous avez pas été. La plupart n'ont pas été adoptés. Quoi ? Mais attendez. J'ai été adopté. Oui, mais c'est bien. Et je sais de quoi je pose. Quand vous avez été un enfant adopté dans une vie, bah, vous savez, un cadeau, c'est beaucoup. Il m'a vexé, je crois. Ouais. Et vous savez, un enfant adopté, c'est une souffrance énorme à vie. On a le cœur qui saigne à vie. Alors, faites-moi plaisir. Mais faites-moi plaisir. Cette fin est magique. Faites-moi plaisir. Mais faites-moi plaisir. C'est chou. Non mais c'est incroyable. Bon, qu'est-ce que vous voulez du coup, Loïc ? Aidez-nous, à moi et Claude, d'offrir ce cadeau. On vous demande pas grand-chose. On vous demande pas grand chose. Non mais Loïc, je vous explique en fait, vous avez déjà le cadeau, il est à vous, vous ne devez pas l'offrir à moins que vous n'aimez pas votre CB. Bah non, alors, il a cassé. Bien sûr, c'est la facture, hein, je vais pas vous donner le montant de la facture. Non mais on s'en fout, Loïc, mais enfin, non mais j'ai pas été adopté et tout, moi je suis enfant unique, je sais aussi ce que c'est la valeur d'un cadeau. Enfin Loïc, pourquoi est-ce que vous vous êtes vexé comme ça quand même ? Allez, remontrez-moi votre CB. Alors attendez, je vais faire ça. C'est réglé au moins, il n'y en a plus. Merci Loïc, c'était encore très intéressant tout ça. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Allez, juste après Damso, on démarre la deuxième partie de l'émission, ça va être incroyable. Jean-Michel, top 5, tout ça, Radio Falminioul, et sur le temps que Maëva va refumer une clope, on va parler des feux d'artifice. Happy New Year! De 20h à 22h, branchez les guitares, c'est la trappe. c'est Jadoul sur KFM. Ah oui, on s'est lâché là pour le générique. Attendez, c'est le nouvel an quand même. Merde, hein. On a reçu des sous, ça y est. Non, on est toujours en train de faire la manche. Ah hein, bah, faut pas croire. Non, attends. D'ailleurs, en parlant de sous, les gens qui n'ont pas de sous, on va rejoindre Radio Falminioul d'ici quelques minutes. Ah oui. Ça va être encore fabuleux. Guy et René, c'est ça comment ils s'appellent? Oui, c'est ça, René et Guy. Oh là là, René et Guy. Fou. C'est deux joyeux lurons, hein. Si vous ne connaissez pas comme Maëva les radios locales, éteins ta clope quand on a l'antenne. Arrête, je ne fume pas. Mesdames et messieurs, je vous assure que je ne fume pas. En direct. En direct. Parce qu'elle peut pas dans le studio. Elle vapote. Et c'est vrai que j'ai jamais vu autant quelqu'un à la fenêtre du studio. Mais arrête, les gens vont te croire. Mais oui. Ma famille m'écoute, Jadoul, la famille. Bah, on parle pas de la drogue. C'est parce qu'elle regarde le temps. Elle regarde le temps de dehors. Ouais, oh, c'est ça. Oh, il fait beau dehors. Oh, c'est sympa. Oh, il neige. Ah, c'est joli. Bon, on va retrouver Jean-Michel aussi qui sera là avec nous dans quelques instants. Notre joyeux luron. Il a fait une chanson, Jean-Michel. On sait pas. On dit qui s'il a fait cette semaine. Pas cette semaine, non. Non. Bon, bah, il vient quand même avec un truc ou il va aller. Ah, bah oui, oui, il est là. Heureusement. Ah bah oui, j'espère. Vous avez peut-être prévu de faire des feux d'artifice. On va débriefer ça aussi dans quelques instants. Notre cabaret ouvrira pour la deuxième fois. Alors, déjà, la première partie du cabaret, si vous l'avez loupé avant 21h, c'était quelque chose. J'espère. Pour la deuxième partie, j'espère qu'ils sont un peu calmés. Enfin voilà, ça c'est ce que j'espère. Et puis on aura le Blindclet sur les coups de 22h, les pires chanteurs amateurs pour nous faire deviner des titres. À vous de trouver titre artiste, ça se passera dans quelques minutes. En attendant, top 5 des pires cadeaux de Noël. Maëva, tu nous avais fait part que toi, on t'avait offert que des cadeaux pourris à Noël. Donc on fait passer le message, voilà, vous auriez pu être sympa avec elle pour Noël. Non, c'est pas vrai, j'ai eu que des chouettes cadeaux. Toi, est-ce que t'as déjà offert un truc un peu mitigé, Kix? Est-ce que j'ai offert non, généralement j'essaye de faire attention et de soigner. Mais niveau emballage, c'est vrai que cette année j'ai pas vraiment mis le paquet sans faire de mauvais jeu de mots. Ouais. Non, mais c'était un peu ça, oui. C'est emballé. C'était à peu près ça. Bah alors, il y a certains cadeaux qui n'ont pas été emballés et que j'ai dû donner comme ça. Moi, j'ai déjà raconté dans une autre radio, mais pas ici. J'avais offert un pour Noël premier degré. Vous voyez, pour prendre le métro, il y a ces portiques où il faut scanner sa carte. Ok, oui, je vois. Vous voyez le bazar rouge où il faut scanner sa carte Mobib? Ouais. Bah, je vais faire ça. Trop bien. Enfin. Et moi, je veux ça aussi. Attends, je passe commande. J'ai acheté ça à la Steam et j'ai récupéré le bazar et je l'ai offert à un pote. Et il fait quoi avec? Rien. Ah, ok. Sympa. Mais justement, top 5 des pires cadeaux de Noël. 1. Mon frère m'a offert un pèse-personne pour les fêtes et un livre de recettes pour manger équilibré. Je sais pas trop comment le prendre. Ouais, je comprends, ouais. Il y a un message qui passait. À mon avis, ouais, il y avait un petit truc. C'est compliqué, ça. 2. J'ai reçu un bracelet gagné chez Yves Rocher, dont le nom a été rayé. Ah oui, donc ça, c'est cadeau refourgué. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je l'aime pas trop, tiens, je te l'offre. C'est pour toi, c'est cadeau. Il faut faire gaffe, hein. Des fois on offre des mugs, des tasses. Ouais. Faut faire gaffe, s'il y a un nom dessus. Faut aussi relire le cadeau juste avant. Pareil pour les bracelets, hein. Messieurs, si vous trompez votre meuf et que vous voulez refourguer un bijou de votre meuf à votre maîtresse, faites attention, pareil pour les bagues. Numéro 3. Ma mère a offert à mes frères et mes sœurs un mug, ah ben justement, avec une photo de leur couple dessus. Je suis célibataire et moi j'ai aussi le droit à un mug. Avec ma tête. Merci maman. Ah mais ça c'est gênant. Enfin non, en soi. Et un petit bonus. C'est quelqu'un qui offre un cadeau. Sauf qu'il était un peu en galère. Il dit je suis tellement chauffé. Attendez, je vous la refais. Vous coupez pour le podcast. Carrément chauffé. Je suis tellement fauché qu'au lieu d'acheter un papier cadeau, j'ai dû emballer les paquets de Noël dans du papier aluminium. Ça c'est encore pire que moi ça. Ça c'est pire que ça. Qui fait ça avec du papier aluminium? Je sais pas, il y a des gens, c'est leur kiff, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux. Voilà, ils font avec les moyens du bord. Moi j'ai déjà fait, alors, oh là là, oh, c'est vrai, ça vient de me rappeler que j'ai fait ça un jour avec du papier journal. Bah ça va encore en soi, c'est écolo. Ouais. C'est écolo. Ah bah ça c'est une bonne excuse, t'as raison. Mais ton histoire de mug, ça m'a fait penser à un cadeau que j'ai offert qui est, oh, c'est pas nul, je trouve ça drôle, c'est que moi j'ai offert des chaussettes cette année avec ma tête dessus. Avec ta tête à quelqu'un d'autre? Voilà. Ça, c'est... Pour qu'il pense à moi quand il met ses non, chaussettes. Non, c'est un autre problème, ça s'appelle la mégalomanie, mais c'est pas grave. Mais non, il voulait des chaussettes fantasy. Ok, ouais, ok, ouais. Ne m'en dis pas plus. Oh bah non, là on va rien en dire de plus. Moi, hein, je vraiment. Peux être devant la photo des chaussettes. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. C'est joli ça, je connaissais pas ce truc, bah, c'est sympa, c'était Central Cee qu'on a écouté. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet? C'est le temps de la fesse. La time fest. Non, je voulais juste faire une blague, ça n'a pas fonctionné. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Et allez, encore pour ma gueule. C'est Jadoul sur KIF. Oh, t'inquiète pas, 2023, on va en faire des nouveaux. J'en doute pas, j'ai déjà pas le temps. Non, mais franchement, je t'ai dit, le jour où on arrête de faire des jingles sur tes bafouilles, inquiète-toi. C'est vrai. Jean-Michel sera là dans quelques instants. Jean-Michel, vous m'entendez? Faut vraiment qu'on règle ces micros parce que dès qu'on s'éloigne de 2 cm, on n'entend rien. Jean-Michel, restez dans les parages. Hein, mais ça va, je suis là. D'accord, merci, restez dans les parages parce qu'en plus, ça peut peut-être vous amuser. Vous viendrez avec nous au cabaret, peut-être. Oh, bon sang, c'est bien ça, les poulettes. Voilà, vous allez voir, il y a à boire et à manger là-bas, donc vous allez vous amuser. Ça se passe dans un instant, on va parler aussi feu d'artifice, mais d'abord. Il est temps à 21h25 de donner un peu de notre antenne. Le prix de l'électricité est cher et on va se connecter à Radio Familioul. Est-ce qu'avec les semaines, t'as réussi à les apprivoiser, Maëva? Est-ce que tu commences à les aimer? Alors, aimer, c'est quand même un mot fort. mais j'avoue. Ils sont là. Ils sont là et on s'y attache hein, malgré tout. Hein. Ils font partie de la déco. Voilà. Je rigole, ça va. Non, mais ça va. Et tu passes une bonne dernière émission? Quoique maintenant, elle fait notre chauffeur Uber. Hein. Oui, c'est vrai que Uber. L'air de rien, elle est en train de nous conduire à chaque fois au début et en fin d'émission. Ouais. Bientôt, on va lui devoir du fric. Bon, écoute, si on s'est attaché à eux, autant les retrouver une nouvelle fois. Oui. Nos deux camarades, René et Guy, pour Radio Falminioul. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont réalisé un entretien d'embauche. Guy, il faut que je souhaite un joyeux Noël à nos auditeurs. Oh, mais du coup, dis joyeux Noël, pas noyeux Joël. Ça va, t'excite pas, ça arrive à tout le monde de se tromper. René, je pense que tu commences un peu à perdre la loube. La boule, tu voulais dire, la boule, Guy. Ah, flûte de pipe. Ah, ça promet pour l'an nouveau, hein. Si on ne sait même plus parler convenablement, il va falloir qu'on recrute, hein. Tu ne penses pas, René? Tu crois? Oh, puis après tout, on aura passé des années à l'antenne à diffuser les soirées accordéon d'entendre Monique. Se foutre des pêches. Se faire de la poire. Oh oui, on a fait des conneries, on tombait dans les pommes. Oh, au moins on gardait la banane. Ah, ça fait au moins 5 fruits, ça. Oh, c'est ça, au moins. Bon, bien, on lance un recrutement en direct, alors. Ah oui, mon cher, vas-y, à toi l'odeur. L'honneur, Guy, l'horreur. Non, je disais à toi l'horreur. Oh, pas plus, tant pis. Bonjour, chers auditeurs de Radio Falminioul. Vous nous écoutez en fréquence modulée. Guy et moi-même avons pris la décision d'agrandir notre effectif en vous offrant la possibilité de venir travailler avec nous autres sur votre station de cœur, Radio Falminioul. Si vous êtes intéressé de rejoindre notre grande chaîne, nous vous prions de bien vouloir venir frapper à la fenêtre du studio, c'est la rue Aide Médicale numéro 112. Maintenant que le message est pressé... Mais non! On dit maintenant que le message est passé! Oh, c'est ça qu'il voulait dire. Enfin bref, veuillez l'excuser, il devient mieux. Tu veux parler, mon cher, mais on ne dit pas il devient mieux, mais il devient vieux. Bien. Repassons à notre contenu musical, histoire de nous donner un peu d'ambiance. Durant les fêtes, je vous propose de faire tourner un de mes vieux vinyles, un bon bisu, dont le titre est Pet Pet Zim Boum Boum. C'est les chansons préférées de nos parrains et marraines de cette émission. Hugues, Lucette, Marianne, Bérangère et Célestine. On vous embrasse, voici le disque. Dis René, regarde un petit peu. Il y a un couillon de sale gosse qui rôde devant la fenêtre là, regarde. Imbécile, c'est sûrement un qui cherche après notre studio. Ah oui, l'annonce de recrutement. Oh mais je l'avais déjà oublié, excuse-moi. Hé hey, gamin, tu veux faire de la radio? Viens par ici, toi. Wesh, y va tranquille. Aïe, c'est quoi ce fanjo encore? Oh, Guy, occupe-toi un peu de pousser les disques. Moi, je me charge du reste. Allez, vas-y, gamin, installe-toi. Comment ça pue le vieux qui fait? René, ça va péter! Guy, stop! On reprend l'antenne! Nous revoilà, fidèle auditeur de la 97.8. Une première personne est venue jusqu'à notre fenêtre durant le disque pour devenir peut-être la prochaine voix de votre radio. Vas-y gamin, présente-toi. Wesh, les refs, bien ou bien? Ici on est au calme, tu connais, hein, les hommes et tout ça, c'est toujours une dinguerie, hein. Comment ça, les hommes? Ben, la moyenne d'âge de votre radio, c'est le public à Drucker, non? Je me trompe? Espèce de... Dis! Laisse ce jeune s'exprimer, d'accord? Poursuis, mon grand, vas-y. La vérité, vous vous maquillez ou c'est du talc que vous avez sur le visage? Ah, il commence à me sortir par les trous de nez, celui-là. Et remonte ton pantalon, mon grand, espèce de petite couille molle. Tu m'impressionnes, René. Tu n'as pas perdu ton coup de casserole. Oui, elle est toujours à l'hôtel, elle se fait les excuser pour ça désagrément. C'est que l'annonce est toujours disponible. On ne comprend plus rien, je vais le dire moi-même. Il disait, le monsieur, veuillez nous excuser pour cette guille. Arrête, je sais encore faire de la radio. Ah ben non, des jeunes. Moi, j'ai mes vrais dents encore. Avoir la couleur, mon vieux. Hop là, je coupe son micro. Allez, venez nous rendre visite à la fenêtre du studio qui est toujours située à la rue musicale numéro 112. Et tout de suite, on se détend avec ce magnifique disque de Gisèle. Cacahuète, cacahuète, que c'est chouette. Ouais, ça j'adore, ça c'est bien, ça. Et Guy. Oui. Bonne année. Et bonne année à toi aussi. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Formidable. Wow, oui. Ils sont dans une forme olympique les deux. Bon, après avoir entendu ça, Maëva, t'as envie de postuler chez Radio Falminioul? Non. Ok, voilà, ça t'est dit. 20h-22h, c'est la trappe sur KIF. Jean-Michel? Oui? Garde à vous. Hop là, c'est très bien. On va vous retrouver dans un instant, juste après l'homme pâle et Roméo Elvis, vous bougez pas. Dépêchez-vous, j'ai ma bedaine qui va péter. Les yeux plissés comme si je quittais la pénombre. Merci de nous avoir choisi Radio Kosovo, là, ici, putain. Ouais, ça va, vous pouvez photocopier les feuilles, non? Non, ça va, une photo, ouais. Ça fonctionne bien. C'est ça, ouais. Ouais. C'est incroyable. Ça veut dire que maintenant, on n'a même plus assez de feuilles pour tout le monde. J'ai l'impression, vous savez, d'être en cours, avant que le prof ramasse les devoirs. Ouais. Il y a tout le monde qui s'échange. Alors, tiens, vite, vite, vite. De... Vas-y, note. Note. Attends. Tu l'as. Réponse 2. Ouais. Réponse 2, c'est C. C'est C, t'es sûr? Ouais, vas-y. J'ai mis toi qui orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet? Oh non. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Ah, ça arrive. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ah, il est temps de retrouver notre Jean-Michel. Oula. Ça va vite. Ah, qu'est-ce qui se passe avec votre accordéon? Monique a pris de la drogue ou... Oh, j'en sais rien. Monique, calmez-vous. Monique, arrête de twerker, Monique. Enfin! Qu'est-ce qui se passe, Monique? Attendez, vous voulez que je la reset un peu? Oh bon, faites quelque chose, hein! J'y vais. Monique, est-ce que vous allez mieux? Allez, relevez-vous, allez-y, ça va aller. Voilà, allez, remettez-lui son accordéon dans les mains, peut-être qu'elle va réussir. Oh, c'est bon, laisse-la, elle est bien. Ouais, oh oui? Oui, laisse-la, elle est bien. Bon, ben voilà. Elle ne dérange personne. Attention à ton bras. Oh non. Bah non, pas dans la trappe. Enfin, Jean-Michel. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, bah alors, pas d'accordéon. J'en ai un de stock, hein, au cas où. Voilà. C'est pas celui de Monique, mais... C'est ça... qui? C'est Nico? Non, c'est Thierry Monico. Voilà. Je ne connaissais pas. Moi non plus. Mais je préférais Monique. Ouais, ça, moi aussi, je préférais Monique. Bon, bref. Tant pis. Retrouvons notre Jean-Michel National une dernière fois avant le passage à l'an 2023. Il a d'ailleurs une excellente nouvelle à nous raconter. Alors, je vous cache pas, Maëva, moi, je suis déjà au courant. Hein. J'ai été mis en exclusivité. Moi, je découvre. J'aime autant que vous découvriez également parce que j'ai eu un étonnement que j'aimerais que vous ayez au moment où vous allez découvrir la nouvelle. Allez, Jadoul, pour Jean-Michel, vous me recevez. 1, 2, 1, 2, allô. Jean-Jadoul. La la la la la la la la la. Attendez, la, la, la, arrêtez. La, la, la, la, la, la. Non, mais vous essayez de me faire quoi? Vous essayez de faire ça vraiment? Non, je pense que c'est plutôt ça, vous. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bah, c'est pas mal, hein? Ouais. On a vu, hein? Allez-y en même temps, attention. 3, 4. Jean-Jadoul. La la la la la la la la la. Quelle ambiance. Ah, vous vous rendez compte, ça fait déjà 4 minutes de chronique alors qu'on n'a même pas démarré. Ouais, c'est vrai. Ah, jamais. On veut faire de plus en plus court chaque semaine et ça s'allonge à chaque fois. On aime bien. C'est pas grave, on aime bien. On aime bien. Le Père Noël, d'ailleurs, Jean-Michel, racontez à l'équipe votre fameuse bonne nouvelle. Oui, alors, vous ne leur avez pas encore dit, mais enfin, Jean-Doul, vous attendez quoi? Non mais franchement, vous entendez quoi? Vous ne l'avez pas encore dit? Vous en trouvez ça temps, normal? Mais de voir si c'était pas un rêve, voir si c'était vrai, mais il semblerait que non, visiblement. Ah ça non, je peux vous dire que non. C'était bel et bien réel. Aussi réel que dire que Céline de Bière circule dans mon corps à la place du sang. Quoi? Attendez, vous n'avez pas de sang dans votre corps? Non. Ah non. Ah non. Je peux vous dire que non. Et tu sais comment on s'en est aperçu? Tu sais comment? Dites-moi. Un jour, je devais faire un don de sang pour aider une personne tout simplement dans le besoin. Et quelques heures après, cette personne est décédée d'une overdose d'alcool. Mais c'est pas drôle. Pourtant, et je te jure, et pourtant, elle venait de faire plusieurs tests et était à 100% à jeun. Je suis content que vous ayez marqué à gain dans votre texte pour être sûr de ne pas dire à jeûne. À jeûne, à jeûne, il fallait pas confondre. Et vous venez d'une autre planète, j'en suis sûr. Je savais même pas que c'était possible de transférer du sang avec plein d'alcool comme ça. Il faut croire que si. Donc les médecins m'ont dirigé dans un local très particulier avec des grands bonhommes en blouse blanche. Et crois-moi bien que ce n'était pas des bonhommes de neige. Les reconnaître. Donc ces personnes m'ont demandé de m'asseoir aux côtés de deux gaillards, dont la ressemblance avec moi était d'ailleurs assez frappante, je dois dire. Ils étaient gros et avec un nez rouge. C'est ça. Mais vraiment, tu vas voir, parce que l'un était très moustachu et puait la bière, mais affirmait dans un langage que moi seul comprenais qu'il était sobre. Bon, l'autre bavait carrément, lui, dans sa grosse barbe dans laquelle se trouvaient également des restants de souper de la veille au soir. Ou des restes de il y a plusieurs années, ça je n'en sais rien, c'est peut-être le cas. Mais lui, il ne parlait pas vraiment. Lui, il faisait que vomir. Après 3 heures, une poulette habillée en blouse blanche, elle aussi, s'est rajoutée dans le local et nous a annoncé la nouvelle. Ah. Monsieur, après de longues heures... Je fais aussi avec ma voix, parce que je ne sais pas faire la voix de la nana, je suis désolé. Ah oui, parce que Jean-Michel qui imite une nana, ça donne quoi? Ça donne ça. Monsieur, après de longues heures de recherche en laboratoire, nous avons découvert que vous êtes issu du même gène appelé IDTF. Ivronius d'Art... Je n'arrive plus. Ivronius d'Ardenius Trifraterna. C'est compliqué, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. Autrement dit, vous êtes des triplés. Mais ne rigolez pas. Vous êtes des triplés, donc vous êtes frères, avec un groupe sanguin inexistant et remplacé par un fort taux d'alcool. C'est toujours la nana qui parle. Et donc c'est comme ça que j'ai retrouvé mes frères. C'est si long. Mais écoute, c'est vraiment ce que la dame m'a dit. Moi, je ne pouvais pas faire plus court. Je suis désolé, Jadou, là, tu m'excuseras, mais bon. C'est incroyable, j'en reviens toujours pas. Mais alors, sérieusement, qu'avez-vous fait après cela? Vous venez quand même de découvrir que vous aviez deux frères. Donc j'ai gardé contact avec eux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont venus fêter avec moi à la fin de l'année. Non, mais il y a vraiment 3 Jean-Michel sur cette terre. C'est pas possible. Non. J'en reviens pas. Merci. Moi non plus, j'en reviens pas. Mais tu sais, ce Jean-Michel nous surprendra toujours. Enfin, qui j'espère que ses frères sont différents. Enfin, moins, plus, bref. À mon avis, ce sont des triplés. Je pense qu'ils sont dans la même veine que notre Jean-Michel. Les gars, je suis toujours là, si jamais... Ça va, on essaie de... Vous n'avez pas coupé votre micro, je vous attends. Oui. Et puis en plus, je suis en haut-parleur, donc mes frères entendent aussi. Attendez, alors justement, passez-nous le deuxième. Pas l'aîné, là, qui sait pas parler, qui bave, là, l'autre. Qui, Barjo? Oui, Barjo. C'est son surnom. Il s'appelle Barjo. Non, c'est Phil Barjo, mais bon... la production n'aimait pas. On l'a appelé Barjo, je suis désolé. Hey Barjo, viens un peu. Il y a Doudoul qui veut te parler, mon grand. Viens. Allô? Allô? Ouais, la boule de... Hein? Je suis en fou rire depuis tout à l'heure. Allô? Monsieur Barjo, là, écoutez, dites à Jean-Michel de changer d'opérateur ou de trouver une solution, parce que là, je pense que je capte pas, il n'y a pas de réseau. C'est bon, monsieur Barjo, passez-moi Jean-Michel, si vous m'entendez, là. Jean-Michel, oui. Allô, bonjour, tu m'entends? Ouais, enfin, dites, vous n'avez pas de réseau chez vous? J'ai rien compris à ce que votre frère a dit. Merci, j'ai du réseau, j'ai même 5 bars. Ah oui, ça vous change les bars, hein. Ça c'est drôle, ça sent, tu vois là, là j'ai un petit sourire du coin de la lèvre, ça m'a bien fait rire, hein. Couillon, on va. Mais je vous avais prévenu, hein, que j'étais le seul à le comprendre. Lui, il vous répondait normalement, hein, tu sais. Ah bon, bah je suis désolé, alors vraiment, ça n'y rien comprendre. Bon bah, souhaitez-lui une bonne fête de ma part, ainsi qu'à l'aîné. Hein. Bah attendez, je vais le remettre en direct. Jean-Doul, te souhaite une bonne fête. Voilà, c'est transmis, Jean-Doul. Ah bah, visiblement, le message est bien passé. Bon, allez, continuez de profiter avec eux. Je vous souhaite de bonnes fêtes, Jean-Michel. Ouais, joyeuse fête à vous aussi, hein, les poulets. Et bonne année aussi, hein. Oh non, n'allumez. Non, Phil John, n'allume pas. Non, pas à l'intérieur, pas à l'intérieur. Ce sont les feux d'artifice. Non. Ok, vraiment chelou la famille à Jean-Michel. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Donc là, on a perdu des auditeurs, c'est ça. Il faut que je vous raconte un truc. La séquence a duré 10 minutes. La production, t'es témoin, Kix, oui, n'a pas validé certains passages qui viennent d'être faits à l'antenne. Donc, si, je l'ai par message, hein. Non. Rien n'a été changé. Là, j'ai vu que des cœurs et c'est ta meuf qui est sur ton téléphone. Non, il y a des trucs qui n'ont pas été validés, qui ne devaient pas passer à l'antenne telle quelle. Mais c'est pas grave. Bon, bah, il n'y a pas de filtre. On l'a fait comme ça à l'antenne. Et tu sais quoi? Non. Bon, bah, voilà. La prochaine, on remettre un peu de cadre à tout ça. Hein. Bah, c'est la trappe. Ah, oui, mais bon, je veux bien qu'on fasse n'importe quoi. Mais du grand n'importe quoi. Mais pas avec n'importe qui. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien quand c'est quand même un minimum, un tout petit peu cadré, quoi. Enfin, voyez ce que je veux dire. Bon, bref, pas grave. Disca maintenant. Qu'on a vidé. Faut qu'on raconte ce qui vient de se passer en antenne. C'est absolument fabuleux. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. On a parlé à Maëva de ce qu'il y avait autre que notre émission sur cette antenne. Et à ce moment-là, on vient à parler de notre consoeur, Coach Manel. Ça, ouais. Voilà. Et elle me dit, et donc elle fait quoi comme blague dans son émission? C'est quoi en fait comme sketch qu'il y a dedans? Parce qu'en fait, il y a une balle de sport ici. Oui, et voilà. Du coup, on savait pas. Enfin, elle pensait que c'était un truc de sport du coup qu'elle faisait. Et pas du tout, c'est une coach. Alors elle pensait que c'était un sketch. Mais non, mais c'est. Alors bon, à mon avis, ça c'est pour des exercices. Enfin, je sais pas, je vais jamais écouter l'émission. Mais je veux dire, c'est peut-être un truc. Voilà, elle est coach de vie. Donc en gros, Manel, elle est super suivie sur KIF. Vraiment, c'est une des stars de la radio. Et elle fait pas de l'humour, elle, contrairement à nous. Okay. Elle, c'est très premier degré. Tandis que nous, bon, voilà. c'est autre chose, quoi. Voyons, on va encore parler nous, de l'artifice dans quelques instants. C'est. Oh bah, nous. Écoutez, dans quelques instants, ça va être encore la folie, tiens. on va s'ambiancer d'ici quelques minutes. En attendant, avant d'atteindre le cabinet, le cabinet, ça du propre, ça. Le cabaret. On va faire notre blind clet aussi à 22h. Voici la mise à jour. Oui, une mise à jour WhatsApp cette fois-ci. Ouh. Voilà, ils vont supprimer les anciens modèles de smartphones. Voilà. C'est allez, dit, c'est fait. Merci. Non, mais il faut faire attention, c'est le 1er janvier, donc dès que minuit, joyeux Noël. Enfin, non, pas joyeux. Joyeux Noël à minuit, oui. On est crevé. C'est parce que moi, je fais plus d'une semaine. Joyeux Noël, bonne année. Non, mais au bonne année, ça va officiellement se faire. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils disent qu'ils font ça pour justement rester dans la course aux dernières avancées technologiques. Donc voilà, en fait, c'est les vieux téléphones. Donc c'est les pauvres, hein, qu'on va dire, qui sont. Non mais allez, il y a les dedans, il y a par exemple l'iPhone 5, le Samsung Galaxy S2, il y a 49 modèles en tout. Donc allez vérifier si vous n'êtes pas dedans. D'accord. Ils ont plus de 10 ans, donc c'est vraiment les vieux téléphones. Les téléphones qui ont plus de 10 ans. Bon, c'est ça. Okay. Et si vous avez un vieux téléphone et que vous vouliez souhaiter la bonne année via WhatsApp à minuit 1, ben vérifiez que vous n'êtes pas dans la liste, quoi. Ah ouais, donc ça veut dire qu'à minuit 1, oui. C'est pas que votre téléphone est techniquement trop vieux, il est juste trop vieux aux yeux de Meta, la société mère de WhatsApp, c'est ils disent bon bah c'est bon, nous on maintient plus sur ces téléphones-là. Ah là, c'est ça, oh là c'est là. Ça. Mais voilà, c'est soi-disant pour. Non mais sans déconner, si on prend par exemple la femme de Jean-Michel qu'on a eu tout à l'heure, Monique, bah elle a un, je sais pas, un espèce de vieux Wiko. Qui doit avoir 11 ans dans la gueule. Je sais même pas si c'est un Wiko, je crois que c'est encore un truc c'est un espèce de bazar. Mais elle a toutes ses applications dessus. Ouais. Elle a pas besoin de plus parce que Monique, elle n'en a pas besoin de plus. Non. Elle a pas besoin d'un iPhone 14 Pro Max. Mais ça lui suffit à ses activités. Donc ça veut dire qu'on va leur priver et ils seront obligés d'acheter un smartphone. Est-ce que ce serait par hasard une théorie du complot pour nous faire acheter des nouveaux téléphones? Complotiste. Hein? Théorie du complot. Brûlé. Hein? sur le bûcher. Alors, Kix, il connaît que le 1. Ouais. C'est déjà pas mal. Ok, mais c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette mise à jour. Mais oui, c'est triste. Oh, c'est ça comme fait mal ça. Au cœur. Oui, ouais, non, 49 modèles. Mais oui, t'as raison. Quand tu dis, tu rigoles avec Monique, mais moi, je trouve ça vraiment nul. Bah, si, c'est vrai, ça va. Si un vieux téléphone fonctionne, mais c'est vraiment nous faire nous pousser à la consommation. Pauvre Monique. Voilà. Ah, ouais. Pour l'instant, elle est toujours dans la trappe. Hein. Ah bah oui, la pauvre. Personne n'a été la rechercher. Mais je sais pas ce qu'ils ont foutu dans son verre tout à l'heure pour qu'elle s'emballe avec l'accordéon, mais moi ça m'a fait peur. Hein. J'espère que la semaine prochaine elle sera remise de ça. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Waouh! Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. On a encore le blindclet à faire, le cabaret, les feux d'artifice, bref, on n'est pas prêt d'avoir fini cette émission. À 21h51, je pense que. On a combien de temps de retard, Maëva? Oui, 20 minutes presque. Fais des heures sup. Welcome, bienvenue. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h sur KIF. J'ai beaucoup aimé ta phrase en antenne. Merde, tu es pas prêt les gars. C'était tellement magique. T'es pas obligé de tout dévoiler à l'antenne. Mais si, on partage avec les auditeurs. Bah, au final, vous riez, mais on est prêts, hein, parce qu'il y a quelques temps, on s'est intéressé à... Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu ris? Ça m'a fait. Avec ton air bête. C'est vrai. Allez, bon, alors, c'est bon. Non, mais c'est vrai, hier, par exemple, au JT, il y avait ceci qui était passé dans les titres pour démarrer le 13h. Voici les titres de ce journal. On prépare les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre. Ouais. Attention, de nombreuses communes imposent des restrictions. Les fusées dites silencieuses sont dans certains cas obligatoires, mais le sont-elles vraiment? Test grandeur nature dans un instant. Ah, ils vont tester. En attendant, on fait un petit peu le sondage dans l'équipe. Team feu d'artifice, Maëva? Oui. Bah avec un père qui s'appelle FMK. Là. FLP. FLP, oui, oui, ça. Zeku. Ah oui, mais comme ça, un DJ, lui, à mon avis, feu c'est d'artifice. Parti, ah, hey, c'est parti. Ah, faites fêter. Ça doit être un beau spectacle. Ok, d'accord. Donc, team feu d'artifice, Kix. Moi, si c'est sécurisé et que c'est quelqu'un de professionnel qui le fait, oui, mais. Donc, moi, surtout si c'est pas toi. Voilà. Non, mais alors, sérieusement, on va revenir sur ce JT de RTBF. Allez, RT. Comment la Une, voilà, La Une, je cherchais le nom. L'RTB. Non, comment ils disent? Bruxelles. Bruxelles. On regarde Bruxelles. Et si on regarde RTL, on regarde Luxembourg. Regardez les Bruxelles. Ouais, c'est ça. Non, mais alors vraiment, ils ont fait un reportage donc sur les feux d'artifice. Un magasin de feux d'artifice, c'est un peu comme une caverne d'Ali Baba. La petite famille n'hésite pas à consacrer un gros budget aux engins pyrotechniques. 300 euros en tout pour le nouvel an. Clairement, ce sera le point d'orgue de leur soirée. 300 euros, vous vous rendez compte du budget de la mais famille? Mais c'est un spectacle, le bazar. C'est au-delà d'un spectacle. Je pense que 300 euros, s'ils ont de l'argent à claquer... Après, je pense que ça coûte vraiment cher. C'est le cas de le dire, l'argent à claquer. Mais c'est surtout que ça dure même pas longtemps, en fait. Non. T'allumes, pan, voilà. Généralement, t'as un mec qui se charge du feu d'artifice dans le quartier, puis toi, t'es peinard, t'as pas à le payer. C'est ça. Après, je dis ça, je suis le premier à prendre des photos. Hein, mais... Après, chez nous, les forains, quand il y a un feu d'artifice en fin de kermesse, c'est tous les forains qui donnent un peu d'argent, donc peut-être que... Je suis pas fort. Chacun se ramène avec son petit feu. Mais peut-être que dans les villages, il y a chacun qui se cotise un petit peu. Ouais. Ça doit se passer peut-être comme ça dans certaines communes en Wallonie. Peut-être que la famille Nioul, chaque habitant, il met un peu de sa poche pour faire un grand feu d'artifice. Peut-être si la commune n'y met pas un peu d'argent. Donc, vous avez compris le problème. Il y a des communes qui interdisent, je sais même pas, je pense que c'est complètement interdit à Bruxelles, mais on ne peut pas faire de feu d'artifice. Et pas que parce que c'est dangereux. Parce qu'il y a des nuisances sonores. Ouais. Et les animaux détestent ça. Et c'est au-delà de ça, c'est de la protection animale là maintenant. Donc ça veut dire que il faut faire vraiment gaffe avec les feux d'artifice parce que si vous avez un chien, vous allez juste voir sa réaction. Le feu d'artifice, il aime pas trop. Mais déjà, je comprends pas comment les gens peuvent aller avec leurs animaux voir ça. Non mais ça on arrête. Et les jeunes enfants, il faut arrêter. Oui. Ça leur claque le tympan. Enfin bref, il faut arrêter. C'est pour ça que les artificiers ont mis au point des feux d'artifice sans bruit. On les teste. Il y a de quoi être perplexe. Ah oui. Pour moi, c'est un peu du pipeau quand on dit du low noise pour animaux, parce que voilà, vous l'avez bien entendu vous-même. Il y a quand même une chasse qui démarre, qui éclate une fois, et puis en l'air, il faut quand même que ça éclate pour que les étoiles puissent retomber. Ils mettent un peu moins de poudre dedans pour dire que le son est un peu plus faible. Bah, c'est pas hyper convaincant. Bah, je confirme. Attendez, on annonce un feu d'artifice sans bruit, on entend. Je suis désolé. Pour moi, ça c'est pas un feu d'artifice sans bruit. Vous faites bien gaffe. Faites les cons, mais sagement. L'actu connecté et les dernières tendances, c'est sont dans la trappe. Maëva, point retard. Toujours presque 20 minutes, ouais, voilà. 15-20 minutes. Parfait. C'est bien. On tient le coup. On a encore le cabaret à faire et le blanclette. Ah là là, vous allez vous connecter à Mifroid, c'est le frère de Michou qui tient le cabaret de la trappe, vous allez voir, c'est incroyable. 22h02, autant vous dire qu'on n'est pas en avance. Le 20h-22h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. J'ai eu très peur pour mon ordi qui s'était passé à 3 cm de me flinguer mon ordi. Il était au chiotte, il a couru jusqu'au studio. J'ai cru qu'il allait se prendre la marche, la porte et l'ordi. Et j'ai ma chaise qui s'est remise droite pendant que tu parlais. Alors, beaucoup n'auront pas la chance de pouvoir avoir un peu de spectacle ou de divertissement durant les fêtes. C'est pour ça qu'on fait venir à vous le cabaret pour vous divertir un petit peu juste avant la nouvelle année. Et tant qu'on s'y connecte, allez-y, ouvreuse, présentez le spectacle. Mesdames et messieurs, en cette veille de nouvelle année, la trappe vous présente la deuxième partie du cabaret de Mifroid, le cousin de Michou. Il s'appelle Mifroid, pas Mifroid, je crois. Oui. Oui, merci madame. Welcome and bienvenue. Welcome. Et mes cabarets, mon cabaret, tout cabaret. Oh, vous êtes sublime. Bonjour, bonsoir. Merci d'être fidèle au cabaret. Oh, nos artistes sont impatients de vous servir plein de paillettes à mettre dans vos cœurs. Oh, continuons notre grand show avec Olivier. Il porte bien son nom. Il aime les olives. Oh, ce performeur va nous interpréter une chanson en faisant du vélo sans selle, mesdames et messieurs. Ouais. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Car au fond de l'amour, il n'est qu'une sublime, quel talent splendide. Poursuivons si vous le voulez bien. Oh, avec notre prochain artiste, elle a choisi de vous chanter un tube que vous connaissez tous. Ne vous laissez pas déconcentrer par son numéro topless. Ce n'est pas le physique, mais une voix que vous allez entendre là maintenant. Applaudissez-la. Faisons l'amour, puisque c'est fini nous deux. Oh. Faisons l'amour. Qui est tombé ? Je pense que c'était un prof de français. Ah d'accord, ok. Bon, poursuivez, Mifroid. Oh, c'était merveilleux! Que le show continue, mesdames et messieurs! Terminons notre grand cabaret avec une collégiale! J'invite tous les artistes à nous rejoindre sur scène pour terminer avec un chant de Noël avant 2023. Mes merveilles! Oh, vous êtes beaux! Oh, vous êtes beaux! Allons-y, chantons! Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs! Fort les enfants, plus fort, il faut qu'on vous entende là-haut, hein. C'est c'était le cabaret de la trappe. Conformément au mail que nous venons de recevoir de la part de la direction de la radio, ce grand spectacle n'aura plus jamais lieu sur cette antenne. Nous vous remercions pour cette belle soirée et nous vous souhaitons le meilleur pour 2023. Joyeux Noël et bonne année. C'est encore du grand spectacle, ça. Merci à tous. Bravo, félicitations. De 20h à 22h, c'est la trappe sur Gaïev. Le Blakelet pour terminer cette émission. 22h07. Cette séquence, plus jamais, les amis, plus jamais. Yes, Lil Nas X. Et ouais, on l'écoute maintenant. Maëva, est-ce que t'es prête? Pour mettre une raclée à Kix? Non. Alors, sympa, merci. Ok, ça donne le ton. Moi, je pensais que ça allait un peu dans la bienveillance avant le nouvel an. Bonne année à tout le monde. Ciao, merci à tous. Non, on va démarrer le Blanket. Hein. Attention, attention. Dans quelques instants, le spectacle va commencer. The Music Machine. The Music Machine. Music Machine. Music Machine. Oh yeah! Hey, Migo, c'est parti! Oh là là, ouais, c'est parti! Let's go! C'est parti! C'est parti! C'est parti! On va faire un petit test pour être sûr que vous connaissez le principe du blanket! Last Christmas! Je te rassure, Kix, ça comptait pas! Non! Ça ne comptait pas! Ça va? Ça va? Dès que j'ai un point. Ça démarre. D'accord, on va faire ça. Allez, bienvenue. On va faire notre blanklet. Le principe est simple. À vous de retrouver le titre ou l'artiste de l'interprète du son de la musique qu'on va entendre. Oula, c'est du Wikipédia. Oh là là. Oh. 2000 watts de puissance sonore. Oh yeah. Et 15 000 watts de puissance lumineuse à votre disposition. J'ai fait une overdose. Allez, si on démarrait avec notre premier chanteur amateur, il nous vient de TikTok. À vous de trouver ce qu'il chante. Attention, j'ai mis les plus difficiles au début. Ah, sympa ça. Merci. Allez, on y va. Moi, je l'ai pas, personnellement. Bonne année, bonne chance, bonheur et santé. Buvons à l'espérance, vive la gaieté. Bonne année, Pierre Perret? Non. Aucune idée. C'est vieux? Très ancien? Oh oui. On connaît? Enfin oui, ça... le double ou le triple de notre âge. Oh, aïe, aïe, comment tu veux ça? Ça commence par un S? Et je vais vous le dire, vous trouverez jamais, ça s'appelle c'est... Guy Béard. Bon, bah voilà, on commence bien. Mais on n'en est pas loin en termes de voix. Bonne année! Ah si, pardon, je me suis emballé. Bonne année! Allez, c'est bon, merci. Et si on écoutait quand même à la fin de la musique, est-ce qu'ils se sont souhaités une bonne année au moins? Bonne année, Laure. Bisous. Avec l'écho. J'adore. Ah ouais, bah oui, la chanson continue, c'est le principe. Bon, c'est bien parce que c'est zéro partout pour le moment. Ouais. Allez. Bah si tu fais ça jusqu'à la fin, moi ça m'arrange. Ouais, c'est évidemment. Bon, c'est peut-être plus le registre de Maëva. C'est un chanteur qui a disparu de nos jours, mais qu'on a connu, c'était nos années, Kix. Ouais. Mais il a pas été connu pour cette chanson. Vous les aimez. Je vous souhaite une bonne année. Attendez, juste, oh bah j'ai pas compris le début de coucou les amis. Il y a eu un petit bruit après, écoutez. Coucou les amis. Voilà. Je vous souhaite une bonne année remplie d'amour, remplie de rêves et surtout de la santé, de la tendresse. Ah non, mais non, mais non, attends. Non, non. Je te souhaite d'être heureuse. Discute. Je te souhaite mieux. Attends. Je te souhaite de réussir à réaliser l'impossible. Oui, tu peux y parvenir car rien n'en est inaccessible. Ça vous dit rien? C'est les bons. De la chance que d'être là, te dire qu'au bout du compte. Ça vous dit rien? Mais c'est pas les bonnes paroles, si c'est ça? Si, si. Ah, alors non. Non. Il est décédé à peu près non. Vers. Ah, il est pas décédé? Non. Ah, ok. C'est un blind test, pas des devinettes. La meilleure vanne. Énorme. Allez, personne ne trouve? Francis non. Cabrel. Non, allez, tant pis, c'est pas grave si je vous dis l'horloge tourne. Michael Miro. Voilà, absolument. Non, je plaisante, c'est Grégoire. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour. C'est qui? Et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Bah, je connaissais pas le titre. Hein. Version TikTok, ça donne ça. L'automne, teinté d'allégresse. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêve. Et surtout de la santé, c'est pas loin. De la tendresse sans trêve. Alors non seulement la réverb me flingue les oreilles, mais en plus de ça, je pense qu'il y a un mec qui hurle derrière. Attendez, on va écouter. Allez, on monte un peu le son. Est-ce qu'il hurle ? Le soleil continue de briller. On le laisse juste pour le plaisir. Il s'époumonne. Je te souhaite une bonne année. Le mec est ivre en fait là-bas. Son année elle est foirée maintenant, il a plus de voix. Ce serait drôle qu'il aille au bureau après le lendemain et qu'il dise j'ai fait un quand dise, et pas mal ton TikTok hein, pas mal et champion hein. Et je t'ai mis un pouce hein. Je t'ai liké. Bon allez, je vois que vous galérez tous les deux, on va retourner sur des trucs un peu plus connus. Ouais, ce serait bien. Ça va, allez, c'est parti. Y a pas de saison pour que vive la musique au fond. Début de soirée avec c'est quoi le titre? Et tu danses, tu tapes. C'est folie! Non. Ah! Chante, ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, ce refrain qui te plaît. Jean-Michel! Tape, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. À la Monique! Non, Monique, on rappelle, elle a des petits problèmes ce soir. On va pas en rajouter une couchée. Je pense que là, elle est couchée. Elle est pas bien, Monique. Bon, bah, félicitations, Maëva. Un point pour Maëva. Oui, c'est noté. Un demi, hein. Non, un point. Okay. Je n'aime pas qu'on me laisse gagner. Non, on arrête les politesses ici. On n'est pas là pour ça. D'ailleurs, quand on coupe les micros, tout le monde s'insulte. Allez, le suivant, je sais pas lequel faire. Tac. Allez, je vais prendre celui-là. Loin de toi, je me demande. Ah, Dave, Vanina. Oui. Vanina, appelle-toi, que je ne suis rien sans toi. Vanina, je sais plus les paroles. Je moi non plus. Pour la vie, seul au monde. Attention. Version TikTok. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans ça toi. Va encore. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Oh monde. Oui, bon, moi j'ai toujours un peu de mal avec les gens qui font toujours des versions acoustiques de trucs joyeux, hein, parce qu'on passe quand même de. À ceci. Oh, maman. Ouais, c'est un peu plus. Oh, yeah. Plus loin. C'était dedans. C'était Maëva qui a fait le oh yeah. Allez, on va se départager là-dessus. Kix, je compte sur toi quand même pour le dernier. Là, ce facile-là, tu vas. Je pense vraiment que tu vas le trouver. C'était un point? Je sais plus. Ah oui, je ne savais plus. On finit avec ceci. Voilà, la boîte à rythme. Bonne réponse! Joyeux Noël! Bon baiser de Fort de France! Ce soir on est à la télé! Ouais, parce que version TikTok ça donne ça. Bon baiser de fin de France. Ce soir on éteint la vie. Ce soir ensemble on va chanter. Oh non, c'est pas obligé. Noël, joyeux Noël. C'est même un orgasme. C'est même plus Noël, c'est Noël. Ah, c'était voilà. La fin, ça. Ah, ça c'était la fin. Bon, on dirait la fin d'un jeu. C'est Mario, en fait. Et Luigi. Non, mais c'est incroyable. Bon, bah, félicitations, Kix, t'as quand même un point. Oui, c'est vrai. Franchement, tu termines pas l'année sur une totale défaite. Non. Oui, on aurait pu avoir. Bah, c'est une défaite quand même. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça allait encore. J'espère que l'an prochain, le Sound Power sera en toi. Ah. Et on se laisse là-dessus. Ouais. C'était la fin du Blendclette. Ok. Sound Power. Et on revient évidemment l'année prochaine. Avec une meilleure guitare électrique. Bon, alors je peux vous souhaiter quoi pour votre réveillon? C'est quoi le programme, Maëva? Bah, une soirée avec des c'est amis. C'est l'anniversaire de ma petite Ilana. Je sais pas si elle m'écoute, mais elle a 18 bise. Ans cette année. Donc, voilà. Non, mais ça te dérange de parler sur les jingles? Oui, chez moi. Grosse bise à toutes et à tous sur le bout du nez. Elle a quel âge? Mais c'est, justement, elle le fait jamais parce que c'est le 1er janvier, mais là, c'est ses 18 ans. Oh, ça, c'est un jour important. Voilà, toute la famille, tous les amis ont fait le nouvel an pour son anniversaire. Ah, ben, elle a bien raison. Lui, c'est un bon anniversaire, alors. Merci. Mais quoi? Ouais. Mais non, mais c'est vrai. Quoi? Le gros blanc. Bon, c'est le bon anniversaire, alors. Tout le monde en a rien à foutre. On lui souhaite un bon anniversaire. Oh là là. Il est temps d'aller faire dormir vos tympans. Puis sinon, bah, bonne année. Bah, sinon, bonne année, oui. Effectivement. Bonne année. Ouais, je cherchais si j'avais pas un jingle bonne année, mais j'ai l'impression que j'ai pas de jingle bonne année. Joyeux Noël à toutes et à tous. Non, non, j'ai pas de jingle de bonne année. Affûtez vos tympans, voici la meilleure nouveauté de la semaine. Non, bah j'ai pas de... Je n'en ai pas, c'est pas grave. Allez les amis, on va souhaiter une bonne soirée, on se fait des bisous, on le fait comment? La fin d'émission, à l'orgue. Sympathique. Ou gentil, sage. À l'orgue. À l'orgue? Ouais. Allez, au revoir. Il est temps de vous dire au revoir. De remplir les CD, de baisser les curseurs des tables de mixage, de monter et récupérer les micros dans et de faire stop aux diffusions streaming. Et les signaux seront pour de bons partis dans les vagues internet. En vous souhaitant plein de bonnes choses, que votre écoute demeure encore fidèle, que votre vie et votre nuit soient douces et belles, je vous tire mon chapeau et vous dis bon vent à tous. Gros bisous. Ciao, ciao. Bisous. Bonne fête. Et bonne année. Oh non, c'est trop solennel, moi je peux pas. Allez, on se quitte avec une note positive. Allez, joyeux anniversaire Ilana. Je vous souhaite merci. Tout le bonheur du monde et une longue vie sexuelle. C'est le plus important. Allez, soyez sages et surtout faites pas les cons, mais comme dit... Ouais. Chose. Comme il l'a dit, faites les cons, mais faites-le bien. Ou un truc comme ça. Ouais, c'est même plus qui dit ça. Bah si, c'est la personne que t'as diffusé il y a quelques instants. Ah oui? Oui, sur l'orgue. C'est lui? Oui. C'est quoi ça? Bon, je sais plus, c'était quoi, mais c'est à peu près ce que tu as dit. Moi, je croyais qu'il disait sortez couvert, mais j'ai confondu avec De Chavannes. C'est pas grave. Faites des bêtises, mais faites-les bien. Ah, voilà, bah, c'était ça. Bah, on l'embrasse pas, ce mec. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir choisis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une émission. Encore l'année on sera prochaine. Là. Oui, l'année prochaine. Ah, c'est les blagues débiles de à l'année prochaine. Fallait. Non, bah, c'est pas possible. Tiens, dernier coup de pelle de l'année. Pour toi, voilà, ça c'est cadeau. Yes. Non, allez, le 4 janvier, on sera là évidemment pour une émission 100% inédite. On vous laisse avec KF Classics, on vous fait des bisous et puis on se retrouve d'ici là en podcast sur toutes les plateformes. Jadoul, La Trappe, vous tapez ça et vous nous trouvez partout. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bisous. La Trappe revient mercredi prochain.